hors catalogue constructeur. Ils pourront également être indemnisés en cas de sinistre garanti. Et c'est pour vous, les pros. Options contenu et personnalisation détaillée dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur maf.fr. 5h57. L'actu en avance sur son temps, vous allez être les premiers en France à être informés grâce à Tristan Sarah partout en France, ça c'est cool, bonjour Tristan. Salut Robin, bonjour à tous, c'est le retour du beau temps aujourd'hui sur l'ensemble du pays, de belles éclaircies sur les régions du nord, du grand soleil sur le sud et sur le nord-est, 27 degrés en moyenne cet après-midi, vous aurez 25 à Paris, 28 à Marseille et le soleil qui va briller toute la semaine. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte de chaleur et de vent soutenu que plusieurs incendies se sont déclenchés dans le sud de la France, dans l'Aude, dans le Tarn et dans les Bouches-du-Rhône. Le parc des Calanques au sud de Marseille est particulièrement touché. Pas de blessés, mais plus de 350 hectares de végétation détruits par les flammes. Quelques 800 pompiers et 200 engins venus de 12 départements sont mobilisés. Puisqu'on évoque Marseille, deux hommes tués par balle hier soir vers 23h dans un bar du 2e arrondissement de la cité phocéenne. Le procureur parle de probables représailles dans le banditisme marseillais. Un coup dur pour Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire pour 2017. Le parquet de Paris a requis son renvoi en correctionnel aux côtés de 13 autres mis en examen. Financement illégal de sa campagne de 2012. Les juges d'instruction ont un mois maintenant pour suivre ou non les réquisitions. Dans l'actu sociale, la grève des 15 000 salariés de SFR. L'appel est lancé par plusieurs syndicats opposés à un plan social. Les employés sont appelés à manifester ce midi devant le siège de SFR à Saint-Denis, près du Stade de France. SFR table sur 5 000 départs volontaires d'ici à 2019 avec de belles indemnisations pour aller très vite. La moitié de la population française sera couverte par le très haut débit à la fin de l'année. Promesse du ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Michel Baillet, oui, hier à l'ouverture du Forum National du Très Haut Débit. Ça se passe à Marseille. L'objectif serait donc atteint avec un an d'avance. Une bonne nouvelle pour l'économie française et donc pour l'emploi. Airbus indique à l'instant avoir signé plusieurs bons de commande ce matin au Vietnam en marge d'une visite de deux jours sur place de François Hollande. 40 Airbus A320 et A350 pour quelques 6 milliards d'euros. Dans l'actu sport, le tennis avec les quarts de finale de l'US Open aujourd'hui à New York. Trois Frenchies sur les cours, dont le duel Lucas Pouille-Gaël Monfils, pas avant 19h ce soir, heure française. Joe Wilfried Tsonga sera lui face à sa bête noire, le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Et puis du foot, ce mardi, l'équipe de France lancée dans les éliminatoires du mondial 2018. Les Bleus jouent donc ce soir en Biélorussie, c'est à suivre à partir de 20h45 sur TF1. La Coupe du Monde 2018 aura lieu en Russie. Seul le premier de chaque groupe décrochera directement son billet. Enfin, les Bleus et eux n'ont plus le droit à l'erreur pour se qualifier pour l'Euro 2017. L'équipe de France Espoir joue ce soir à Caen face aux Islandais. Victoire impérative. Match à 18h45 sur CSTAR. Voilà pour l'actu. Très bon réveil. Bonjour à tous, on est le mardi 6 septembre, moi c'est Fred, je suis dans les Landes et je déclare officiellement l'émission ouverte. Bonjour la France. Bonjour. J'espère que ça va pour toi mon poteau, on est ravis de démarrer cette nouvelle journée à tes côtés mardi 6 septembre. Aujourd'hui, courage à tous ceux qui nous écoutent déjà, je le sais, qu'on passait la nuit au travail, des métiers qu'on bossait toute la nuit. Tiens Fred, est-ce que t'en as un en tête? Métiers qu'on bossait toute la nuit? Infirmier? Eh oui. Ouais. On va faire, allez, le premier qui sèche a perdu. Alors, oh là là. On cherche des métiers, d'accord, où les gens ont bossé toute la nuit. Donc, Fred, tu me dis infirmier, je dis réceptionniste. Nico du bureau, taxi. Très bien. Laure. Gardien. Gardien de nuit. Un gardien de but. Oui. Oh, mais non, il finit à 23h, bien sûr. Attention, Ginger. Ambulancier. Policier, allez, policier. Ah ben non, ambulancier. Pas validé, Pauline du standard. Stripteaseuse. Stripteaseuse, je crois. Et moi, j'ai une idée comme ça. Attends, Fred, c'est à toi, pardon. Animateur de radio. Ils ont bossé toute la nuit, très bonne réponse. Moi, j'ai une idée comme ça, policier. C'est vache. Nico, livreur. Non, on livre pas la nuit. Bah, non. Par contre, tu dis oui, toi, qui livre la nuit? Bah, ils sont sur la route, ils font sur l'autoroute. Ah ouais. Les livraisons, fruits et légumes, tout ça. Bien sûr, il y a des gens qui écoutent. Bah non, mais alors, excusez-moi, on parle d'un routier. Ah oui, et vous êtes nombreux à nous écouter à cette heure-ci. Livreur, routier, ça va ensemble. Oh là là là là, dire à un routier là sur la 6 que c'est un livreur. Ah, allez, on élimine. Ah, ok. Et c'est pas pour moi, c'est au nom de tous les routiers que je t'élimine. Très bien. Barman. Ok, très bien. Je suis éliminé, non? Ginger. Ah oui, t'es éliminé. Exactement. Je suis vexé. Vendeur chez Esso. Très bien. Pardon? Fred. Les amants jaunes sur l'autoroute. Les hommes en jaune sur l'autoroute, ils ont bossé toute la nuit. Exactement. Très bonne idée. Les videurs. Ah oui. Les videurs de boîte. Ouais. Les sages-femmes. Les sages-femmes, ouais. Alors on va pas faire tout le corps médical. Ok, maintenant je le dis. Pauline. Les pompiers. Les pompiers, oui. Bon, toute la nuit les pompiers. Alors Fred, on fait moi le malin, on sèche. Les boulangers. Les bonnes réponses. Oui. Les chocolatiers. Non, tu triches. J'ai perdu. Non, on dit non. La règle, on fait pas tous les métiers de bouche. Bah, sinon, on prenait pas sage-femme. Hein. Oui, mais on va jouer jusqu'à demain. Hein. Ah, je rappelle, si vous nous rejoignez sur Virgin Radio, l'émission vient de commencer. Bon mardi à tous. On cherche des métiers qu'on bossait toute la nuit. Laure. Les serveurs, mais en boîte. Oh non, c'est bon. Barman et serveur, bim. Allez, on élimine. On élimine Laure. Il reste Pauline, Fred. Nico, t'es éliminé. Ouais. Et moi. On est trois. Pauline. Les écrivains, ils écrivent mieux la nuit. Ah, ils écrivent mieux la nuit. N'importe quoi. Allez, non. C'est n'importe quoi. Les oubliés, le plus important. Bah. Je l'ai, moi. Fred. Bah, j'en ai un, mais je sais pas si ça se dit trop à la radio. Quoi. Vas-y. Les paraététiciennes. Bah oui, les prostituées travaillent toute la nuit. Elles nous écoutent. On est numéro 1 sur les prostituées. Je les envoie sur les ordres. Et moi, j'ai oublié. Vous avez oublié un truc. Ouais, c'est quoi? Parce que, et là, vous allez être mauvaise foi, gardien n'est pas veilleur de nuit. Oh, veilleur de nuit. Non. Et bien sûr, les veilleurs de nuit travaillent toute la nuit. J'ai dit gardien de nuit. Je reste en course. Pauline. Ah, j'ai déjà perdu, mais. C'est Fred et moi? Oui. Oh, Fred. Allez, des métiers qui bossent la nuit. C'est parti. Non, le corps médical, on a déjà fait. Je sèche. Pilote d'avion. Ouais. Et moi, j'en ai un. Ouais. Fleuriste. N'importe quoi. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Non. Alors, livreur de fleurs peut-être, mais pas fleuriste. Mais non, fleuriste. Et comment vous croyez qu'ils ouvrent leur magasin avec toutes les fleurs? Non. Mais arrêtez, je suis en tête depuis une heure. Non. Non, c'est perdu. Là, on est tous d'accord. Qui est d'accord pour que Camille ait perdu? Bah, bien sûr, Camille a perdu. De toute façon, cette équipe, je vais vous dire, elle sera jamais pour moi. Hein. Bon, ben Fred, je suis content, t'as gagné. Tu veux quoi comme cadeau? Écoute, je sais pas, propose. T'as une PS4? Non, j'en ai pas. Eh ben, je t'offre une PS4. Wow. Voilà. Ok? Génial. Eh ben, ça me fait plaisir. En plus, je vais te dire un truc. Ça fout Nico du bureau dans la merde. Ça me fait plaisir. Rien pour ça, tu sais quoi? Je te l'offre avec plaisir. Fred, mon chouchou, je t'embrasse très fort et merci de démarrer ta journée avec nous. Pour vous aussi, je vais vous soigner. J'ai des cadeaux magnifiques à vous offrir. Des passes pour l'électrochoc, des séjours à la mer ou à la montagne, des PS4. J'en offrirai à volo ce matin. J'en offrirai plein. Et puis surtout, votre loyer à 6h20. Loyer au 7, 12, 13 par SMS pour vous inscrire. Et puis, ça vous inscrira en même temps pour les 50 ans de loyer. Vous l'entendez peut-être, Clément Lincruste, peut-être pour la première fois depuis le début de l'émission. Et restez endormi. Oui, mais c'est la première fois. Rassurez-vous, on l'a par téléphone. Il est réveillé, il habite à un petit peu loin de la radio. Le temps d'arriver, de se prendre une douche, il sera là. Mais toute l'équipe sera au complet ce matin encore. Et on commence avec 21 Pilots. Oui. Ride, avant votre loyer, avant plein de choses dans cette émission. Bienvenue dans le Virgin Tonic, c'est votre partenaire minceur. Chaque matin, 6h, 9h. Hey, this is 21 Pilots on Virgin Tonic. Stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm born so. I'm taking my time on my ride. Oh, I'm ballin', so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Bon réveil à vous, mardi 6 septembre aujourd'hui. J'espère que tout va bien. C'est le Virgin Tonic à vos côtés chaque jour. Il y a Laure. Salut. Il y a Pauline. Coucou. Mais il manque quelqu'un. Oui. Eh oui. Il manque Clément Lacruste. Clément Lacruste a loupé son réveil, c'est pas si souvent. C'est même jamais. Mais voilà, il va arriver dans quelques minutes. Oui, ma popo du standard. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un hier soir. Non, non. Il a loupé son réveil. Okay. Non. On parle de Clément Lacruste. Hein. Oui, excuse-moi, j'oublie. N'importe lequel, je me suis dit, il y a peut-être une nuit un peu folle, on parle de Clément. Non, ouais, non, ça vrai. Doit être assez calme, on est sur du McDrive, couche à vas-y. T'inquiète pas, Paul. Je vais te voir une étude réalisée, j'espère qu'elle va vous intéresser, vous qui êtes au travail, peut-être tout juste en train d'ouvrir les yeux avec nous. Par une université hongroise, elle a été réalisée. En Hongrie. En Hongrie, merci Laure. Ah, ouais, vraiment. Vraiment. Dommage que ce soit pas toi qui loupais ton réveil. La nuit, en moyenne. En moyenne, lorsqu'on dort, oui. On bouge toutes les 20 minutes. Ah ouais. Alors, vous saviez ça? Bah ouais, la bougeotte. Moi je vois pareil. Ah ouais? Ah moi je m'endors dans une position, je me réveille dans une autre. Hein. Ah bah moi non, moi je m'endors dans une position et je me réveille scotché, mais coulé, comme dans une chape de béton. Ah ouais, ouais. Ah ouais? Ah. Ah non, mais je bouge pas du tout, moi je reste tel quel. Donc tu dors bien. On peut parler d'un coma après. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non, mais je vous jure, c'est pas possible. Ouais, Nico du bureau. Dans quelle position? Je dors sur le dos, moi. Sur le dos? Ah ouais. Bon, bouche ouverte ou pas? Je pense qu'elle s'ouvre, ouais, tranquillement. Mais en tout cas, je peux impossible de m'endormir autrement que sur le dos. Vous dormez comment, vous, Nico? Alors que tu vois, moi je suis au contraire sur le ventre. Ah, quelle horreur! Complètement. Quoi? Et par contre, il faut que je sois complètement colmaté par la couette. C'est-à-dire qu'en gros, les pieds avec le côté sandwich, tu vois, ouais. en petit wrap. Et puis pareil, en haut, pareil, la tête dessous, il y a juste le nez qui sort. Oh, ouais, quelle horreur. Ma sœur aussi. Ah bon? Ah ouais, j'ai peur. Ah, genre comme tu dormais sur la banquise, quoi. Non, mais comme ça, c'est bien, t'es emmitouflé, t'es bien. Ah non. Bah, moi, pareil sur le dos, la couette jusqu'en haut. Mais non, je dors sur le dos. Laure, tu dors comment? Sur le ventre, mais sur mon mec. Comment ça, sur ton mec? Sur le ventre, mais sur mon mec. Alors, je te fais une démonstration avec Nico du bureau. Ça. Ah lui il dort sur le ventre et tu te mets par-dessus lui. Absolument. Elle doit passer des bonnes minutes. Oh là là. Non mais donc elle dort sur le dos de son mec, pas sur le ventre. Bah oui, c'est ça, mais sur mon ventre. Oui, sur son ventre, sur son dos. Ouais. On a compris. Mais alors, il doit mal dormir, lui. Non, ouais. Il adore. Ah ouais? Je suis pas là, il est mal. Ginger, comment tu dors, toi, par seul? En... En position fœtale avec mon nounours, toute déprimée. Non. En position fœtale, mais avec une couette juste sous la tête, tu sais, qui m'enlace un petit peu, comme ça, j'aime bien, tu te sens en sécurité aussi. C'est-à-dire que tu commences à remplacer l'homme par des couettes. Ouais, quand on n'a pas le choix, on fait ce qu'on a. Ma petite Pauline, toi, tu dors comment? Ouais, sur le côté, mais collé au mur parce que j'étais traumatisée par mon lit superposé. Quand j'étais petite, je suis tombée deux fois. Et du coup, voilà. Et par contre, avec mon mec sur son épaule. Ah, bien sûr. Son épaule est moulée à ma tête. C'est vrai? Ah, ouais, on dirait que ça a été fait pour ma tête. Bah, ça doit être un éclat d'obus, ça. Je rappelle qu'il a fait la guerre 14-18, hein, le mec de Popo. Hein. Il faisait partie des poilus, bien sûr, oui Laure. Moi, par contre, faut que je mette un coussin entre mes genoux. D'accord, donc on en fait, vraiment. Laure, elle veut vraiment nous expliquer, genre elle va lancer un blog et tout, Laure, pour expliquer comment elle dort. Restez avec nous sur Virgin Radio. Oh, j'adore ce morceau, The Chainsmokers, Don't Let Me Down sur Virgin. Excellent réveil. Hey guys, we are the Chainsmokers on Virgin Tonic. Hit a wall right now. I need a miracle. Hurry up now. I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't

Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. Eh oui, mais avec toute l'équipe, je suis pas tout seul, on paye votre loyer oui, chaque matin. Oui. Trois rendez-vous, 6h20, 7h20 et 8h20. Vous avez rendez-vous avec votre loyer, on tire au sort parmi tous les SMS reçus. Un seul numéro, loyer au 7 12 13. Vous me laissez bien votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler. C'est parti, premier tirage au sort de la journée. Je vous rappelle, hein, le principe, on appelle en anonyme toutes les heures. Il faut absolument décrocher, on n'a pas le droit de vous rappeler. Donc si vous loupez l'appel, c'est loupé complètement. Je vous souhaite bonne chance à tous, vous me répondez Virgin Radio. Un mois de loyer. Un mois de mensualité de crédit si vous êtes propriétaire. Oui, allô ? Allô, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Fabrice ? Oui, c'est moi-même. Fabrice, je suis ravi de t'entendre, tu m'as envoyé un SMS, c'est pas pour rien que je t'appelle. Tu m'as laissé ton prénom. Oui. Fabou, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Radio. Voilà, voilà. Oh, c'est bien, Fabrice, on embrasse les dom-tom. Ouais. On ne sait pas encore imiter le nouvel animateur de Questions pour un champion. Mais ouais, on a que Julien Lepers. Hein. Il a bien autant de personnalité. Ouais, bah si, il est super. Oui, non, mais il n'a pas autant de mimiques, de dynamique. Ben ouais, il n'a pas autant de vécu. Il n'a pas autant de vécu. Il a une voix de pédiatre un peu. Comment ? De pédiatre. Oh. C'est vrai, il a une voix de pédiatre. Hyper douce et rassurante. Ah ouais, c'est ça. On va le mettre sous l'oxymil. Fabrice, mon bichon. Tu m'as répondu à la question, je crois que oui. Donc, quel est le montant de ton loyer ? 905 euros. Eh bien, je suis ravi, mon pote. Je vais te faire le chèque de 905 euros. Il va partir tout de suite. On va te régaler, mon Fabrice. Et en plus, toi, comme vous tous qui nous écoutez, Fabrice et vous, hein, aucun SMS n'est envoyé pour rien. Depuis la semaine dernière, 6 heures, tous les SMS que je reçois jusqu'au 16 septembre vous inscrivent automatiquement pour le plus beau cadeau, jamais offert sur une radio. 50 ans. Vous êtes une super radio. J'écoute tous les jours. T'es un amour, mon Fabrice. T'es un ange. Tu viens de quel coin d'ailleurs ? J'habite dans les alentours de Strasbourg. Ah, on a plein d'auditeurs là-bas. Ouais. En Alsace et dans tout l'est de la France. Merci à vous. Eh ben, 905 euros, mon poteau. Je te ferai un chèque de 540 000 euros si je te prends au téléphone le 16 septembre. Énorme. J'espère. Eh ben, moi aussi, mon Fab. Passe une belle journée. Merci d'être inscrit. T'es notre premier gagnant. On est très heureux pour toi. On écoute Charlie Puth tout de suite sur Virgin Radio. Excellent réveil. Hey, this is Charlie Puth on Virgin Tonic. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Tonight, if he's holding on to you so tight, the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. But I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes. If she's holding on to you so tight, the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Salut à tous et bienvenue sur Virgin Radio. Courage à tous ceux qui sont encore au petit-déj, d'autres sont déjà en voiture. On pense fort à vous. D'ici septembre, aujourd'hui, presque toute l'équipe est là. Oui, oui. Popo du standard. Coucou. Ginger vous attend aussi, hein, sur les réseaux sociaux. Vous le savez, n'hésitez pas, on lit tous vos messages. Nico du bureau est là également. Hello. Pour qu'on ait des stylos et on les a. C'est important, bien sûr. Et alors, attention, Clément l'incruste, lui, n'est pas là. Hello. Notre Clément qu'on aime tant a raté le réveil pour la première fois en 3 ans. Oh, ça arrive. Il est en train d'arriver, rassurez-vous, il roule. Il se laisse rouler jusqu'à nous au studio, il arrive tranquillement. Et je voulais parler avec vous, c'est le 6 septembre, des anniversaire quand même. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, alors pour ceux qui aiment le foot, de Stéphane Guivarch. Ah ouais. 45 ans. Hein? Champion du monde en 98. Ah bon? Ah ouais. Et ouais. Il m'a rapproché du football, ce garçon, parce qu'il a mis autant de buts que moi à la Coupe du Monde. D'avoir zéro. Mais on l'aime beaucoup. Mais il a joué la finale, je crois. Il a joué la finale, exactement. Brahim Zaibat, des Trois Mousquetaires. Ouais, on l'adore. Qui est venu nous voir souvent. Ex de Madonna, je suis obligé dire quand même. Voilà, 30 ans aujourd'hui à Brahim. Et Gala, la chanteuse Gala. Alors c'est incroyable, mais de le dire. Elle est venue nous voir aussi. Ouais. Oui, et toi? Elle est venue chanter un matin. Et toi, t'es un petit peu amoureux d'elle. Ah, oui, grave. Clément, plus que moi. Ah ouais? Ah ouais? Mais moi, je l'ai trouvée magnifique. Elle est magnifique. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle, hein. Elle fait partie des femmes. Alors quand même, je vais même vous qui l'avez rencontrée, vous avez peut-être vu les photos. 44 ans, elle est venue nous voir l'an passé. 43 ans, elle est encore plus belle qu'à l'époque. Oui. Elle est sublime. C'est vrai. Oh là là, il y a des gens qui vieillissent très bien. Hein. J'étais amoureux, moi, de Gala. Bah oui. Très amoureux de Gala. Quand elle est arrivée en 95 sur les compiles, la plus grande discothèque du monde. Ah ouais. Volume 43, bien sûr. Hey, où il y avait ce monsieur là qui. Je sais pas comment il faisait là. Il faisait du taekwondo sur les platines. Oui. Laure, t'es amoureuse de qui quand t'étais petite, toi? Tiens, je vais vous demander aussi au 3916 au standard. Moi, j'étais amoureuse de George Michael, de Wham. Et alors, avec ma sœur, on s'était partagé le groupe. Elle avait l'autre. Andrew Ridley, le ringard. Ah ouais. Moi, j'avais le meilleur. Ouais, alors et on l'autre est tellement branché, c'est vrai. Les coupes qu'ils avaient, c'est pas possible. J'ai revu ils étaient ensemble dans la vie. Hein. Ils étaient ensemble dans la vie et nous, on dormait avec les posters dans nos lits. C'était le drap. C'est mignon. Oh là. Bon, je dormais avec George Michael quand même. Bah ouais, enfin son poster. Oui. Et donc ta sœur avec l'autre, d'accord, les Wham. Ok. De qui vous étiez fou amoureux quand vous étiez ado? Tiens, Pauline. Moi j'ai eu une révélation. Un soir il y avait un concert d'André Rieu et j'étais petite, hein. J'ai trouvé hyper chic. Et je suis tombée amoureuse de lui. Et j'arrêtais pas de parler d'André Rieu à ma mère qui s'inquiétait vachement, quoi. André Rieu, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Je peux pas vous l'écrire. Je peux même pas trouver un point de comparaison. Il y a pas plus vieux que ce gars. Ouais. Mais aujourd'hui, t'as un mec qui a 10 ans d'écart avec toi. Je crois que tout s'explique. Mais je commence à l'expliquer. André Rieu, je vous jure, même ma grand-mère, elle trouve ça un bolos. Je vous jure, c'est pas possible. Il est trop vieux, André Rieu. Oui, mais je pense qu'à 7 ans, il était déjà vieux. Ouais. Mais il est né vieux. Tu vois, c'est le mec qui est né vieux. Voilà, exactement. Je suis sûr, il a jamais appris le violon. Il est tellement vieux, il savait jouer. Il a appris un violon, il dit c'est simple, c'est comme ça. Tu vois, Nico du bureau. Non, mais vous dites ça parce qu'il est un peu à l'ancienne, effectivement, même dans les fringues et dans la coiffure avec son truc. Mais moi, je pense qu'un mec comme Franck Michael, par exemple, il est plus vieux qu'André Rieu. Je suis pas sûr, à vérifier. Mais en gros, André Rieu, c'est un violoncéniste. Ouais. Bah, il est ringard, mais vous pouvez même pas imaginer musique classique. Et Franck Michael, c'est Franck Michael. Allez voir. Faites-vous votre opinion par vous-même. Hein. Tiens, on va prendre du monde. Dimitri, qui est avec nous au standard au 3916. Salut, poteau. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Est-ce que toi aussi t'as envie de te marrer avec nous, de nous dire de qui t'étais amoureux plus jeune? Ma chérie, par exemple, c'est très bizarre, est amoureuse de Bill Clinton. Ah bon? Ah, il est chic. C'est l'ancien président, ancien des États-Unis, Bill Clinton. Ouais. Elle adorait Bill Clinton, Laure. Il a dragué ma mère et c'est pas une blague. Parce qu'en fait, elle était vendeuse dans un magasin et il est venu dans ce magasin. Il était plus président, il venait de plus être président. Enfin, c'était la fin de son. Ouais. Mais il a dragué ma mère. Ça aurait pu être mon beau-père. Oh la classe. Ouais, en plus, il est chaud, lui. Il a eu plein d'histoires, il est très chaud, Bill Clinton. C'est le DSK des États-Unis. C'est vrai, il est réputé pour ça. Dimitri, mon bichon, t'es amoureux de qui, toi? Camille, rien à voir avec Gala. C'était Cindy Crawford, la femme parfaite par exception. Ah ouais, avec magnifique. Son petit bikini, son petit grain de beauté qui ressemblait à une belle pépite sur un pitch. Magnifique. Une pépite sur un pitch. Elle est magnifique. On va mettre la photo aussi. Mettez la photo de Bill Clinton. Avec ses posters et tout, c'était grandiose. Et même encore, elle est super belle. Ah non, mais franchement, très belle femme, Cindy Crawford. T'as bon goût, mon pote, hein? Oui, alors. Elle est encore super belle, et maintenant, il y a sa fille qui prend la relève, qui est genre la même, encore plus belle. Ah ouais? Et qui est mannequin, et qui est sublimissime. Ah, voilà, je connais pas du plus de votre âge. Mais on va suivre de près, on va suivre de près l'évolution de la famille Crawford. On avait pris Billy Crawford, notamment, dans la gueule, hein. Bien sûr, Keep on Tracking Me. Et lui, il a fini avec Laurie, et il a déprimé. Ah bah oui, je suis confiant. Marco, ma chérie, t'étais amoureuse de qui quand t'étais petite, toi? Salut! Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Eh ben moi, étant plus jeune, c'était Patrick Dempsey, donc le fameux docteur Mamour dans Grey's Anatomy. Ouais. C'était ses cheveux quoi. Eh ouais, tout le monde l'a adoré lui. Ouais. Vous l'adorez les filles. Alors. Ouais, bah là on l'attend avec impatience parce qu'il y a Bridget Jones 3 qui sort et c'est avec lui. Ouais. Ah oui, ça va être génial. Il remplace Hugh Grant. Ça va chauffer. Ouais. Ouais. C'est une autre histoire. Ouais. Docteur Mamour. Ouh. Ouais. Ça, on l'adore. Le baiser langoureux et plonger ses mains dans ses cheveux. Ah, ouais. Margot, calme-toi. Margot, calme-toi, on est en train de te perdre. Margot, ressaisis-toi, tu as une famille, tu as un mari, ressaisis-toi, ma chérie. Non, puis c'est surtout, franchement, lamentable, quoi. J'avais même un blog sur lui. Ah ouais, j'étais grave folle amoureuse, quoi. Et puis même maintenant, allez, 10, 12 ans plus tard, j'attends Bridget Jones chez moi, quoi. Vraiment, Ça va arriver les filles. On l'attend toutes. Hein. Ah ben le docteur Mamour, vous l'attendez toutes. Ok, calme-toi ma Margot, on va t'envoyer une photo de lui. On sent mais elle est plus en recul. Ah oui, non. Elle est avec le gars. Non, j'ai dit à mon chéri, c'est vraiment le seul mec à qui je pourrais être trompée sans regret quoi. Ah ben oui. Mais vraiment, il me dit oui tout de suite quoi. J'adore le sans regret. Il n'y aura pas de culpabilité. Je vais juste. Chérie, je te le dis, hein, j'ai couché avec le. Je vais kiffer. C'est pas genre je m'excuse, c'était plus fort que moi. Non, je sais sciemment et je vais kiffer ma tête. Prendre des photos du trick et tout. Margot, je t'embrasse très fort, ma belle. Restez avec nous. Un point sur l'actu tout de suite. Boogs, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Merci d'être là avec nous. J'ai des cadeaux magnifiques à vous offrir. Je vous envoie l'électrochoc tout frais payé à Paris le 6 octobre prochain. Restez avec nous. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, ça va être une très belle journée côté ciel avec beaucoup de soleil sur presque tout le pays, à peine quelques voiles nuageux sur le nord-est, nord-ouest, partant de la Bretagne au Hauts-de-France en passant par la région parisienne, Paris où il fera 25 degrés cet après-midi. Vous aurez 27 à Lyon et 32 à Bordeaux. Plusieurs incendies se sont déclarés hier dans le sud du pays. Les départements du Tarn et de l'Aude ont été touchés. Le feu a pris aussi dans les Calanques au sud de Marseille, poussé durant plusieurs heures par un violent mystère en direction de Cassis. L'incendie a été bloqué en fin de soirée par les quelques 800 pompiers mobilisés. Deux hommes de 41 et 59 ans abattus hier soir à Marseille. Ils ont été tués vers 23h dans un bar du centre-ville. Dans le deuxième arrondissement, il s'agirait d'un probable règlement de compte dans le milieu du banditisme. L'été a été particulièrement meurtrier dans la région marseillaise avec 10 individus abattus par arme à feu depuis le 7 août. L'affaire Big Malion s'invite dans la pré-campagne pour 2017. Le parquet a requis le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy pour le délit de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Les juges d'instruction ont un mois pour décider de la suite à donner. 30 millions d'euros vont être réaffectés aux universités, de l'argent pour sécuriser le plus possible les 70 campus du territoire. La reprise des cours, c'est lundi dans les facs. Les 1 600 000 étudiants devront se plier à la fouille des sacs à l'entrée des facultés. Volkswagen va-t-il devoir signer des chèques en Europe comme il l'a fait aux États-Unis après le scandale du Dieselgate? Cela ne fait aucun doute pour la commissaire européenne à la justice. Elle invite d'ailleurs les consommateurs européens à porter leur dossier devant les tribunaux. Des recours collectifs contre le groupe Volkswagen sont maintenant envisagés. L'actu musique, l'une des plus grosses stars de l'électro pour la plus grosse soirée électro. The Avener vient d'ajouter son nom à l'affiche d'Electrochoc, le producteur niçois dont Virgin Radio vous a fait découvrir le nouveau single We Go Home. Ce sera la 6e participation de The Avener à l'événement. 14 groupes et artistes sont désormais attendus le 6 octobre au Zénith de Paris. Synapson, Feder, Mom ou encore Kungs vous invitent en écoutant Virgin Radio et sur virginradio.fr. Le tennis avec les quarts de finale de l'US Open aujourd'hui à New York. 3 Français sur les cours, dont le duel Lucas Pouille-Gaël Monfils ce soir à partir de 19h française. Et Joe Wilfried Tsonga sera lui face à sa bête noire à Novak Djokovic. Et puis du foot, l'équipe de France dans les éliminatoires au Mondial 2018. Les Bleus jouent ce soir en Biélorussie. Voilà pour l'actu. Bon réveil. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. tous les amis, soyez les bienvenus sur Virgin Radio, 6h33 maintenant, hein, ça y est, on est avec vous chaque matin, il manque que Clément ce matin, oui, oui, qui a loupé son réveil, mais Laure a réussi, elle est là avec nous, belle comme tout, merci. Pauline aussi, plus merci belle que jamais, dès le matin, alors là vraiment elles sont pimpantes celles-ci, Clément lui va arriver avec des marques d'oreiller, du dentifrice ici, c'est le pire avec Clément, je suis sûr qu'il peut pas partir sans petit déjeuner quand même. Ah bah bien sûr, c'est sûr, et c'est sûr. Tu verrais comment il attend le petit-déj d'ici avec impatience. Ah bah, tu n'as même pas le temps de l'ouvrir le truc. Et d'ailleurs, et réponse à toute Clément, rassurez-vous, on en a un. C'est pas parce qu'il n'est pas là qu'on va pas écouter son rendez-vous avec les enfants juste après. Ce sera Kungs. Et puis n'oubliez pas, un loyer à gagner, ça ce sera à 7h20. Réponse à tout. Et oui, Clément descend dans la rue chaque jour, leur poser des questions. Heureusement, il avait terminé, vous l'avez préparé hier soir. On l'a, il demande aux enfants quel est le prof le plus chelou pardon, qu'ils ont rencontré à la rentrée. C'est marrant, je fais les lancements de Clément, ça me fait bafouiller comme Clément. T'as malédiction. En fait, c'est ça, une malédiction, j'essaye. C'est lié, vas-y, essaie. Attention, quelle est la réponse à tout, Laure ? Alors, la réponse à tout, c'est quel est le prof le plus chelou ? Ah ben voilà, ah, tu vois, attends, moi aussi, j'ai pas essayé. En fait, c'est à cause du réponse à tout. Et c'est Pauline ? Attends, le réponse à tout de Clément, il est descendu dans la rue, il a demandé aux enfants quel est le prof le plus chelou qu'ils ont rencontré dans leur scolarité. Quelle faillotte. Non mais, allez ! Laure, elle a fait exprès hein, de bafouille. Bah oui, L'autre, elle veut vraiment, elle est en premier degré. De, ouais, j'ai réussi mon lancement, super. Et ben alors, Canal Plus m'appelle pas. J'ai réussi un lancement. Allô, la poste de Miss Météo, il est pour moi. Merci. Oh, la bonne élève, je te jure. Allez, on écoute ça tout de suite. C'est qui le prof le plus chelou dans votre établissement ? Moi, c'est mon prof de SVT. Déjà, il ressemble trop à Laurent Blanc. Il a toujours des poils qui dépassent du nez. Moi, c'était mon prof de français parce qu'il stressait tout le temps. Tout le temps, il disait « Bon, allez, il est 9h30. Ah, il est 9h32, on est en retard. » Tout le temps, il stressait et il nous faisait stresser alors qu'il n'y avait pas besoin de stresser. C'est ma prof de maths. Elle a un accent très bizarre, russe. Et quand elle crie, c'est pas crédible. Est-ce que tu peux l'imiter ? Jérémy, tout votre fond de la classe est tout ôté. Ça, c'est un accent russe ? Mon accent russe. C'est ton accent russe ? C'est ça. Et il y a aussi mon prof de français qui est très bizarre parce que tout le temps, il croit qu'on est hyper cultivé, qu'on sait tout, qu'on lit des livres H24. Et aussi, il sent vraiment la cigarette. Moi, c'était ma prof d'SVT parce qu'elle était un peu perchée. Et comme elle aimait bien les arbres, elle nous disait de sortir un peu et de faire des câlins aux arbres. Réponse à tout ! Les plus grandes soirées électro, c'est chez nous, c'est Virgin Radio qui les organise, c'est l'électrochoc. Le prochain, il est à Paris, le 6 octobre, et ça tombe bien, on vous offre des places, tout frais payés pour venir vous éclater avec les plus grands artistes électro du moment. Inscrivez-vous, 3916, on joue au répertoire des stars. Ouh. Dans un instant, 3916 pour nous joindre, bougez pas. Let's go ! Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Tonic. Virgin, Virgin. We'll be right back. là, c'est mardi 6 septembre aujourd'hui, c'est le Virgin Pony. On est là tous ensemble chaque matin, il y a Laure, oui. Il y a Clément. Non, il y a Clément. Clément arrive, je l'ai par texto, rassurez-vous, il arrive très vite, il a loupé son réveil, ça arrive. Ça arrive, oui. Ne le rouspillez pas quand il arrive. Pauline, bien sûr, oui, est là au standard et c'est Pauline qui a sélectionné Romain qui est là pour jouer avec nous. Salut Romain. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Ça va très très bien mon pote, on est ravis de t'entendre. On salue à tous les gens qui sont en train de nous écouter là sous la douche, à la maison, courage à vous. Romain, lui, il est déjà debout et il peut repartir avec des places pour l'électrochoc. C'est ça. Oui. On va essayer, oui. Ça a l'air de te faire plaisir. Ça a l'air de te mettre une pêche. Tu vas pouvoir applaudir les synapsons. Tu vas pouvoir applaudir Feder. Et on l'a confirmé hier, mon pote Romain. Et je vais te dire un truc, c'est normal, hein, qu'à même pas 7 heures, tu sois encore un peu fatigué. Je comprends tout à fait, mais alors lui va te réveiller. Le 6 octobre, The Avenger. Et ouais, il sera en direct aussi sur la scène de l'électrochoc. Les places tout frais payées pour toi pour monter à Paris avec la personne de ton choix. Pour ça, il va falloir que tu gagnes un jeu, Romain. Je sais. Ce jeu, il est simple, mais en même temps pas facile. Simple à comprendre, pas facile à remporter. C'est le jeu du répertoire des stars. Patrick, Céline, Fabrice, Michel, Justine. Le répertoire des stars. Nico qui fait les jingles, il va de plus en plus loin. Hein. Mais oh là là, il est autant. Alors attention, Romain, c'est très simple. Un chrono de 45 secondes pour toi, d'accord? Ok. Attention, on va te lancer des prénoms. Tu dois juste me trouver quelqu'un de connu qui le porte. Ok. On va dire qu'en 40 secondes, je veux 7 bonnes réponses. En 45 secondes, 7 bonnes réponses. Faut aller très vite, tu peux passer, hein. D'accord? Je peux passer si j'ai un petit bug. Bien sûr, un petit bug. Un prénom, la star qui va avec, c'est à toi, attention. Top chrono. Patrick. Patrick. Patrick Kluivert, joueur de foot. Patrick Kluivert, on l'accepte. Julien Doré. Très bien. Thierry. Ardisson. Parfait. Georges Pompidou. Ah, on accepte. Jean-Pierre Coff. Parfait. Cathy. Cathy Perry. Bien sûr. David. David Guetta. Bien sûr. Sophie. Sophie Flavier. Favier. Tu veux comment dire? Quentin. Quentin Mosikian. Mosikian, d'accord. Je pense que tu partais sur Mosiman. Mais on va prendre le Mosikian. Oui, voilà. Jean-Paul Gaultier. Bien sûr. Et Kim Kardashian. Il a pas passé une seule fois. Ouais, bravo. Bravo à toi. Tu l'as entendu, t'as beaucoup plus de 7. T'as combien de points, alors? 11 points. Et c'est peut-être... Alors, c'est la première fois qu'on y joue, donc j'allais dire c'est le record, mais forcément. Mais je pense qu'il sera très dur à battre. Faut le garder, ce record. 11 points pour Romain. J'étais un fire. On refera ce jeu, mais alors je pense que tu vas avoir le record pour longtemps, mon Romain. Alors, on rappelle. Tiens, les filles, jouez. Patrick. Oui. Fiori, ça marchait aussi. Julien. Le Perse. En prenez, on a eu Doré. Thierry. Roland. L'ermite, on prenait. Oui. Roland aussi. George. Clounet. Brassens. Pardon, c'est Washington. Brassens. Tu vois, les deux cultures. Hein. On avait Cathy. David. Et Jonathan. Ouais. Bien sûr. Jean-Paul. Belmondo. On l'a dit. Non, Gauthier, c'est Gauthier, ouais. Belmondo. Voilà, Romain, 11 points. Bravo à toi. Tu gagnes ton séjour pour l'électrochoc. Prépare-toi parce que, mon pote, t'es un peu fatigué ce matin et je le comprends. Ben oui, ça me donne la patate pour aller au boulot. Prépare-toi parce que le 7 octobre, tu seras encore plus fatigué, mon pote. Ce sera le lendemain de l'électrochoc. Tu seras sur la scène. Je vais prendre ma matinée. Tu seras sur la scène du Zénith de Paris. T'applaudiras les meilleurs artistes électro du moment. Ceux que t'as découvert chez nous, The Avenger, Mom, Feder, Synapson, Koongs. Tu seras là la soirée avec la personne de ton choix. Félicitations. On vous offre ce beau cadeau toute la semaine dans le Virgin Tonic. Et nous, c'est Bruno Mars qu'on écoute tout de suite pour le pop rock électro. Bon réveil, le Virgin Tonic, vous avez fait le bon choix, 6h-9h chaque matin. Hey guys, this is Bruno Mars. Virgin Tonic. Oh, her eyes. but they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. Avec nous sur Virgin, mardi 6 septembre. J'espère que tout va très bien pour vous. Toute l'équipe est là. Oui. Il y a Pauline du Standard. J'ai des textos seconde par seconde de Clément Lingruste. Ah. Il a loupé son réveil. Il est en train d'arriver. Rassurez-vous, il sera là. Hein. Dans deux minutes à peine, il nous a rejoint dans le studio. Et alors, il découvrira cette étude que j'ai trouvée dans le Journal des femmes. Oui. Ne me jugez pas. Non. L'étude nous dit que 52% des femmes se disent maniaques. C'est votre cas dans l'équipe ou pas, Pauline et Laure? Vous êtes maniaque? Assez maniaque, ouais. Ouais, et toi? Moi, non, pas du tout, à part mes fringues. J'ai des petits trucs de maniaquerie, si tu veux. Non. Alors, vous savez ce qu'on fait? Oui. On s'assume. Alors moi, dès qu'on parle de ça, ça me parle. Je suis le PDG des maniaques. J'ai inventé le concept de la maniaquerie. Donc on fait un truc, on lance un hashtag. Parce que je voudrais toutes vos réactions. Vous qui êtes très maniaque, dites-nous les trucs les pires que vous faites. Ouais. Et même si vous l'êtes pas trop comme Laure, il y a forcément un truc sur lequel vous l'êtes. Bien sûr. Hashtag je ne suis pas maniaque, mais on en parle tous ensemble. Et si vous inscrivez maintenant, on vous rappelle comme ça. Vous passez avec nous sur l'antenne au 3916 dans un instant. Le pop rock électro de Calvin Harris qui va arriver. Et puis, bien sûr, votre loyer à gagner, ça, ce sera à 7h20. Ne bougez pas, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non, mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. Rentrez nos stress chez But. En ce moment, le matelas Dream et Avisco Spring 140 par 190 est à moins 50%. 219,99€ au lieu de 433. But, c'est nous.

Et moi, 2-3 fois max. Ouais, bien sûr. On compte pas les fois où je suis arrivé sur le jingle à 6h. Ah, d'accord. N'est pas considéré comme en retard, sinon on arrive à 420. Eh oui. Clément, merci de nous rejoindre. Je le disais tout à l'heure, alors je te parle comme aux gens qui se réveillent à l'instant avec nous. Oui. On a lancé un hashtag ce matin, je ne suis pas maniaque, mais. Oui. Parce que j'ai trouvé une étude. Une étude selon laquelle 52% des femmes avouent être maniaque. Alors, on est amis dans la vie, Clément, tu sais que je suis un grand maniaque. Ah, je sais. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que toi, alors je te pose la question tout de suite. Hey, tu me connais. Tu me connais, je suis pas maniaque, mais il y a quand même un petit truc, c'est quand je suis en voiture, j'aime bien quand je fais un créneau avoir la même place devant que derrière. Tu vois, pas laisser, pas être collé à une voiture d'un côté. Ah, moi, ça, être pile au milieu. Et d'ailleurs, là, je suis arrivé quoi, à 5h30 à la radio ce matin, je n'arrivais pas à trouver ce dosage. Et c'est pour ça, pendant une heure, je me garde. Laure. Oui. T'es un petit peu maniaque. Pas trop, mais un peu. Oui. Est-ce que t'as un truc, en tout cas, même si tu l'es pas trop, qui tu sais que là-dessus t'es maniaque? Je suis pas maniaque, mais j'aime bien que la chambre d'Élie soit bien rangée, en apparence. Pas d'Élie Semoun, hein, vous ne connaissez pas dans la vie. C'est bien sûr. Non, je peux pas dire comme ça. J'aime bien que la chambre d'Élie Semoun soit bien rangée. On ne se connaît pas du tout, mais souvent je tape à sa porte pour lui dire est-ce qu'elle est bien rangée. Et puis quand j'ai pas le temps, j'envoie Ginger. Non, t'as bien que la chambre d'Élie Semoun soit bien rangée. En apparence, tu vois, je m'en fous après qu'elle mette des trucs sous le lit, tout ça, c'est son problème. Mais je veux juste que ce soit. Ah, d'accord, donc oui. tu l'élèves avec une notion d'arnaque, quoi. C'est-à-dire que j'ai abandonné l'idée que sa chambre soit vraiment rangée, d'accord. Voilà. Juste bien caché. Voilà, quoi. Juste les apparences. Très bien, très bien. Sauf les apparences, ma fille. Bon, moi, je suis très maniaque. Hein. Ah, oui. Par exemple, je sais que je passe la journée à nettoyer mon téléphone. Ah oui, c'est bien. Ah, ouais. Ouais, avec mon t-shirt et tout, je passe ma journée à nettoyer mon téléphone. Bon. Je peux pas m'empêcher. Bah, c'est un petit truc de maniaque, quoi. Bah oui, c'est ça. Ça fait de moi un monstre, je ne crois pas. Tu prennes les petits chiffons de lunettes parce que ça remet des saletés. Bah oui, ton t-shirt. Ah, tu imagines un chiffon de lunettes sur ton téléphone. C'est bon, bah oui, non. Non, mais Clément, il parle de la saleté sur ton téléphone. Tu vois ses lunettes, on dirait qu'il est nettoyé avec des tranches de jambon. Je te jure, c'est sérieux. Déjà, c'est pas du jambon, c'est de la dinde. Hey, tu parles pas comme ça, mon pote, il vient de se réveiller. Ouais, c'est hyper agressif. Claire, ma chérie, t'es peut-être pas maniaque, mais quand même, t'as un délire maniaque. C'est quoi pour toi? Bonjour, bienvenue. Salut Camille, bah, moi je suis pas maniaque, mais il faut vraiment que le rouleau de papier toilette soit dans le bon sens du déroulage. Ah oui. Alors, on est d'accord, c'est le papier devant. Le déroulé, il faut qu'il soit le plus près de toi. Bah non, pas derrière. Non, bah, derrière. Derrière. Eh non, devant. Bon, alors. Non, derrière. Une loi. Ah non, toi tu veux qu'il soit derrière ou en face de toi? Ah ben non, moi il est derrière. Ouais, côté mur. Bah, il y a que moi devant. Ah oui, contre le mur, c'est ça. Contre le mur, c'est plus facile à craquer. Non. Non, bah, si, non, si, non, si. Non, non, non. Bah, moi je le mets devant, tu le mets où, Pauline? Ah ben moi derrière. Ah bah je suis le seul alors. Ah bah oui, moi ça va. Oh, ouais. Oh, ça va, c'est, je sais pas. Je suis l'intrus, c'est ça? Ah bah oui, un peu. Mais ça va. Oh. Florian, mon pote, est-ce que toi aussi t'as un délire très maniaque? Oui, bonjour Camille. Alors moi non, je suis pas du tout maniaque, mais alors par contre, quand mes gosses coupent mal le savane, bah, je suis automatiquement obligé de repasser derrière pour recouper correctement. Ça m'énerve. Le savane, ma chérie, elle fait pareil que tes enfants. Elle coupe mal, c'est pas droit. Elle préfère, mais j'ai pris une tranche. Non. Tu respectes pas le savane. Tu vois, Camille. Ouais. Pardon, si je peux me permettre, moi je suis aussi du rouleau de papier toilette devant, la feuille devant. Merci Ginger aussi. Oui, aussi. Eh bah super, voilà. Hashtag bon, team devant. Allez, c'est réglé, c'est fait. Non, mais c'est, devant ça se passe très bien, bah, bien sûr. Pauline au standard. Et tu sais, c'est comme les gens qui coupent le beurre ou alors qui racle le beurre. Et donc ma mère, ça la rend folle. Et parce qu'elle dit, soit tu le coupes, soit tu racles. Ouais. Ouais, après le beurre, tu l'as pas sous les yeux, quoi, Clément. Moi, je le racle, mais côté mur. Je le fous sur tes lunettes. Ouais, exactement. J'ai bien compris. Calvin Harris, Rihanna, voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Reste avec nous, Monsieur l'Incruste est de retour. Ouais. L'émission démarre vraiment. On est là jusqu'à 9h à vos côtés, un point sur l'actu. On a plein de choses à vous offrir. Tiens, je vous dis dans 2 secondes comment gagner 50 ans de loyer aussi, bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Christian Sarah. Bonjour à tous, c'est le retour du beau temps aujourd'hui sur l'ensemble du pays. De belles éclaircies sur les régions du nord, du grand soleil sur le sud et sur le nord-est. 27 degrés en moyenne cet après-midi, 25 à Paris, 28 à Marseille. Le soleil qui va briller toute la semaine. C'est d'ailleurs dans ce contexte de chaleur et de vent soutenu que plusieurs incendies se sont déclenchés dans le sud de la France, dans l'Aude, dans le Tarn et dans les Bouches du Rhône. Le parc des Calanques au sud de Marseille est particulièrement touché. Pas de blessés, mais plus de 350 hectares de végétation détruits par les flammes. 800 pompiers et 200 engins venus de 12 départements sont mobilisés. Puisqu'on évoque Marseille, deux hommes tués par balle hier soir vers 23h dans un bar du 2e arrondissement de la cité phocéenne. Le procureur parle de probables représailles dans le banditisme local marseillais. Un coup dur pour Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire pour 2017. Le parquet de Paris a requis son renvoi en correctionnel aux côtés de 13 autres mis en examen. Financement illégal de sa campagne de 2012. Les juges d'instruction ont un mois pour suivre ou non les réquisitions. Dans l'actu social, la grève des 15 000 salariés de SFR. L'appel est lancé par plusieurs syndicats opposés à un plan social. Les employés sont appelés à manifester ce midi devant le siège de SFR à Saint-Denis, près du Stade de France. SFR qui table sur 5 000 départs volontaires d'ici à 2019 avec de belles indemnisations pour aller vite. La moitié de la population française sera couverte par le très haut débit à la fin de l'année. Promesse du ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Michel Baillet, hier à l'ouverture du Forum National du Très Haut Débit à Marseille. L'objectif serait donc atteint avec un an d'avance. Une bonne nouvelle pour l'économie française et donc pour l'emploi. Airbus indique avoir signé plusieurs bons de commande ce matin au Vietnam, en marge d'une visite d'État de deux jours sur place de François Hollande. 40 Airbus A320 et A350 pour quelques 6 milliards d'euros. Et puis la crise qui se poursuit au Gabon après les résultats contestés de la présidentielle. Le ministre de la Justice a démissionné. La France dit être sans nouvelles de plusieurs de ses ressortissants ou binationaux recensés dans le pays. Les violences ont fait 3 morts et 105 blessés selon un des comptes officiels. Le tennis, les quarts de finale de l'US Open aujourd'hui à New York. 3 Français sur les courts. Le duel Lucas Pouille-Gaël Monfils autour de 19h30 ce soir, heure française. Et puis Joe Wilfried Tsonga face à Novak Djokovic. Du foot aussi avec l'équipe de France lancée dans les éliminatoires au Mondial 2018. Les Bleus jouent ce soir en Biélorussie. Coup d'envoi 20h45 sur TF1. Voilà pour l'actu, très bon réveil. Salut à tous les amis, merci de nous rejoindre dans le Virgin Tonic, c'est mardi 6 septembre, merci à tous ceux aussi qui sont là avec nous depuis 6h, en tout cas on est à vos côtés jusqu'à 9h chaque matin avec toute l'équipe, Laure, Clément, salut. Pauline, coucou. Avec votre loyer à gagner une nouvelle fois à 7h20, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire, le tirage au sort, mais le tirage au sort a bien sûr pas encore eu lieu, voilà, loyer au 7-12-13, en plus vos SMS vous enregistrent pour les 50 ans de loyer, n'hésitez pas, tentez votre chance, Calvin Harris qui arrive pour le pop rock électro. On a aussi la question de ouf. On va vous entendre chanter dans un instant. Mais pour le moment, je suis obligé de parler d'animaux. C'est, vous savez, alors j'adore mon chien Groucho. Oui. Et là, j'ai une info qui m'intéresse. Oui. Qui m'intéresse de dingue. Une info, c'est une étude du site BFM. Ouais. On vient d'apprendre. Là, mais vraiment, c'est pas. On sont plein, tous les maîtres pensent que leur chien les comprend. Mais sauf que ça a été prouvé. Les chiens comprennent les mots et les intonations aussi bien que les humains. Mais comment? Moins de mots. Mais par exemple, moi je sais que mon chien, elle est où la balle? Ouais. Il sait mais exactement oui. ce que ça veut dire. Oui. Elle est où la balle? Ok, il part chercher sa balle. Ouais. Et donc voilà, on a la preuve, ça y est, en fait, ils utilisent l'hémisphère gauche du cerveau pour comprendre les mots et l'hémisphère droit, les intonations. Ils nous comprennent. Je suis content, je savais que j'avais un dialogue avec mon chien. À mon avis, ils comprennent les ordres, mais ils comprennent pas si tu lui demandes la capitale du Japon. Est-ce que vraiment ton chien, même s'il ne le sort pas dans sa tête, il a trouvé Tokyo? Ah, bah oui, ça se trouve. Je pense pas. C'est pas Shanghai? C'est toi qui as aimé ton chien? C'est mon chien qui me teste en tout cas. Pauline au standard, alors toi t'as un chat? Oui, j'ai une chatte et elle est en pleine crise d'ado. Et donc elle ne supporte pas, je pense qu'elle comprend mes discussions quand j'ai William au téléphone, mon copain. Et du coup, l'autre jour elle m'a regardée en faisant pipi sur le canapé. Ah, crise d'ado, elle veut un scooter? Bah je pense, ça serait trop, je serais trop mignonne. Elle en veut un pour l'or. Non mais ça m'arrange pas parce que moi mon ex avait un chien. Et j'arrêtais pas de lui dire des méchancetés quand il était pas là. Ah, et j'étais au chien? Ouais. C'est horrible. Oui bon bah j'avoue, c'est pas très bien. C'est dégueulasse, c'est non, comme les j'avoue. Plantes, il faut bien leur parler aux plantes. Bah, j'avoue, bah, j'ai compris ça, tu vois, parce que j'ai des plantes et que maintenant je leur parle bien et qu'elles poussent. Eh ben, bien sûr, arrose-les quand même, hein, faut quand même les arroser, c'est pas que parler, hein, Clément. Moi j'ai eu un chien, à chaque fois que je lui disais coucher, il se couchait pas du tout, donc peut-être qu'il les comprenait, mais il était rebelle alors. Mais oui. Toi, c'est un problème aussi, à chaque fois que tu as dit une femme, on couche ensemble, elle s'est jamais couchée. On a un vrai souci. Je pense que c'est toi, t'as un problème avec le verbe, mon Clément. Allez, tout de suite, on passe à la question de ouf. Question de ouf. Eh oui, la question de ouf, le répondeur vous est ouvert, c'est vraiment quartier libre, faites-nous marrer chaque matin, et c'est le cas tous les jours. Et le mardi on chante, on vous a demandé de vous lâcher sur les bébés brunes, coups et blessures. De s'envoyer en perte de voix délicate et des envoles. C'est pas des craques quand elle me sourit. Je me détraque à coup d'insomnie. Tu me plaques comme une affiche au mur. Ah oui, plaque-moi. Je porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir fou de toi. Fou de toi. Je sens what? C'est beau. Délicate et désinvolte, les yeux flous, perçants, si loin de tout. J'ai parlé trop tôt. Merci à vous tous en tout cas d'avoir joué le jeu. Quel que soit votre niveau de chant, ça nous fait toujours très plaisir. C'est le mardi, voilà, on vous demande de chanter sur notre répondeur. C'est notre version, la version Virgin Tonic, des bébés brunes, Calvin Harris tout de suite. Excellent réveil à vous, courage en voiture. Vous êtes encore sous la douche, on pense très très fort à vous. Merci de nous avoir choisi. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. C'est Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis. On est là tous ensemble. Il y a Clément. Bonjour. On y va. C'est parti. Je voulais pas dire c'est bonjour. Dégueulasse. J'étais sûr. Je voulais faire exprès de pas dire bonjour aux filles. Je pensais que c'est Laure qui allait dire excuse-moi, je suis là. C'est peut-être invisible pour toi, mais enfin, je suis quand même là dans le studio. C'est quand même un être humain, quoi. Ben, je sais que t'es là, ma chérie, parce que tu me fais mes tartines tous les matins. Mais oui, mais je t'en remercie. Mais oui, et moi ? Les amis. Hein ? Et moi ? Ben, et toi, tu me fais pas de tartines. Ok, non. Mais je suis invisible. Hein ? Vous êtes qui, pardon ? Tu me rappelles quelqu'un vaguement. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je vous rappelle ? Hein ? Prenez un téléphone. Ah, Pauline ! Oui ! C'est le standard. Sans téléphone, je vous remets pas. J'ai trouvé un chiffre qui m'a beaucoup amusé. En moyenne, on en a trois. Dans notre frigo. Exactement, trois. Dans notre d'après frigo. D'après vous, quoi ? Hein ? Dans notre frigo. Ouais, elle va me faire tout répéter. J'ai l'impression d'être avec ma grand-mère. Bonjour à tous sur Virgin Radio. Sur quoi ? Virgin Radio. Alors, qui ça ? Qui ça, Virginie ? Non, Virgin. Elle prend de l'âge, elle prend de la bouteille, notre Laure. Hein. Oui, Clément. Je dirais des œufs. En fait, en moyenne, quand on ouvre la boîte avec les œufs, il en reste trois. Non, c'est pas ça. On en a trois dans notre frigo. Vous qui nous écoutez là ce matin, là, vous aussi, là, à l'heure où je vous parle, vous en avez trois dans votre frigo. Laure. Sortes de boissons différentes. Ah, j'en ai plus soin. Ma grande. Ah ouais, j'ai tous les délires. Moi, tu peux pas t'imaginer. J'ai rien à manger, mais j'ai tous les délires. Ma chérie, elle devient folle. J'ai 40 ce genre de soda dans mon frigo. Alors Laure est en train de tousser derrière aussi, vraiment. Écoutez, je suis désolé, on fait vraiment l'émission avec une vieille dame. Attention, Clément, tu marches sur son déambulateur. Excusez-moi. C'est mon défibrillateur. Et maintenant, c'est des aliments périmés. Ah, oui. J'en ai bien plus. Mon angoisse. On a 3 aliments périmés, chacun dans notre frigo en moyenne. C'est quand même ouf. Ouais. C'est que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'avais du beurre. Il datait de novembre 2015. Et je l'ai jamais enlevé. J'ai regardé, je l'ai enlevé. Jamais à regarder la date de péremption du beurre. Le lait aussi, hein, tu te fais vite avoir, Clément. Du coup, c'était le doyen de mon frigo. Vous avez des doyens dans votre frigo? Et bien sûr. Ah ouais. Bah, j'ai des doyens. Et moi, je sais. Moi, c'est les petites sauces tartare, béarnaise, machin. Ouais. De chez qui? C'est qui fait ça, là? Benedicta. Ouais. Les sauces qu'on sauce. Les trucs Benedicta, écoute, je l'ai acheté, là, les 6 petits pots, machin, parce que je voulais faire une fondue il y a peut-être 16 ans. Ben, ils sont toujours dans mon truc. Je te jure, les trucs, ça doit être en décomposition. Mais ils sont bien fermés. Tu les as un jamais ouverts? Un peu oui, un peu non. Ah. J'ai tapé dans la tartare, je vais pas te mentir. Parce que la tartare, je pense que c'est mort, mais les autres, tu peux encore les. Ouais, je sais pas. Vraiment, ça doit faire 3 ans que c'est dans mon frigo. Réellement, Clément. Bah, j'ai une bouteille qui date de 2001. Mais de vin? Ouais. Bah ça va, c'est bien ça. Ah mais c'est bien, non. Elle est ouverte. Elle est ouverte ou pas? Non, pas du tout. Non, mais ça se périme pas, le Gucci est nul. Le poulide au standard. Bah moi j'ai loué mon appart sur Airbnb cet été et du coup les locataires ont laissé du pâté. Mais moi je suis végétarienne, donc du coup. Je peux ramène pas. Bah vous voulez? Bah pâté, bah bien sûr on aime le pâté. Le matin, vous voulez du pâté? Bah oui. Attends, on le ramènera prochain, c'est très bon le pâté le matin. C'est du Lugaskoun en plus. Ah bah super, je ramène. Bah je vous ramène. Allez, c'est fait. Eh ben tu sais quoi? Je ramène mes petites sauces Bénédicta. Clément Dupinard, demain on l'a fait bourrer. Nico du bureau. Excusez-moi, mais le pâté, il n'y a pas de date d'opération dessus. C'est généralement, tu ouvres le truc et tu sens. Ouais, en fait, c'est les conserves. On pense que ça dure éternellement. Ça. Quand même pas. Hein. Les conserves, mon père, il en fait plein du pâté en conserve. Quand même, au bout d'un moment. C'est quand même plus bon non plus. Ouais, faut faire gaffe quand même. Par exemple, t'achètes du jambon chez le boucher avec le petit papier rose là, tu vois. T'ouvres le papier rose. Comment tu fais pour savoir si le jambon est encore bon ou pas? Tu sais, c'est toi qui allais l'acheter, tu sais quand est-ce qu'il est bon. Oui, il te dit pas le boucher, tu sais que le jambon c'est 2-3 jours, Clément. Bah, c'est la couleur en fait. Si le jambon blanc c'est devenu du jambon bleu. C'est du blanc de dinde, c'est que là on est toujours méfiant sur le jambon. Ah bah fais gaffe, si il recommence à faire. Si le jambon est redevenu du porc, c'est que. En général, il est plus bon du tout. Johanna, c'est quoi le plus vieux truc? J'aime bien l'expression de Clément. Qu'est-ce qui est le doyen de ton frigo? Ma chérie, sois la bienvenue au 3916. Coucou Camille, coucou l'équipe. Alors, moi, le plus vieux truc qu'il y a dans mon frigo, c'est du parmesan. Ah, mais en plus, se conserve mal, hein. Bah ouais, puis moi j'avais mis dans une petite boîte, un petit tupperware et tout, dans le fond du frigo. Et puis la dernière fois, je me suis fait des pâtes à la carbo et bah, il était bleu. Ça c'est horrible. C'est fini en pizza. Commande une pizza et puis voilà quoi. Ah, j'ai cru que tu l'avais fini pour faire une pizza avec, c'est pas meilleur. Non, j'ai commandé une pizza parce que c'est goûté, donc les carbos sans parmesan ça se fait pas. Et puis avec qui était bleu, bah écoute, voilà quoi. Eh bah c'est sûr, Clément. Alors que la confiture, quand c'est moisi, t'enlèves et tu peux continuer à manger le reste. Ça c'est vrai. Oui. Ah ouais. Moi je le fais pas parce que ça me dégoûte. Mais tu peux enlever le moisi et manger le reste. Faut pas gâcher. Faut pas gâcher. Bah bien sûr. Oui, Nico. Mais attendez, pardon, mais le fromage, le bleu, c'est très bon. C'est juste que c'est un peu ragoûtant et que les gens n'aiment pas ça. Mais d'ailleurs le fromage bleu, bah c'est du fromage qui a moisi. Non mais ça c'est que ça. Voilà. Merci Nico de nous montrer que tu fais vraiment partie de la CSP relou. C'est-à-dire les gars qui, quand t'as peur en avion, ils font non mais c'est beaucoup plus sûr que la voiture. Ouais. Quand il y a de la moisissure sur un fromage, ils font mais attends c'est ça le fromage. Attends. Mais je veux bien. Mais ça dégoûte quand même, Ginger, sur les réseaux. Je suis d'accord, le parmesan, non, le bleu, c'est du bleu, ça s'appelle comme ça. Donc oui, le parmesan, c'est bleu, tu n'en manges pas. Parmesan, ça devient bleu, je veux bien que ça soit comme ici, mais c'est horrible, Laure. Je vais défendre Nico. Je suis pas. Attends une seconde, parce que ça arrive pas tous les jours. On va peut-être s'arrêter sur le fait que déjà tu défends Nico. Ce que je propose, c'est que vous restiez avec nous. Et dans un instant, on va avoir les arguments de Laure pour savoir. Parce que si vous êtes des fidèles de l'émission, Laure, en 3 ans, n'a jamais défendu Nico. Non, mais c'est dingue. Ça va arriver sur Virgin Radio. Peut-être c'est un détail pour vous. Pour nous, ça veut dire. Ne bougez pas, restez avec nous. The Strumbellas, je l'adore. C'est mon morceau coup de cœur du moment. Spirits, ça arrive dans un instant. Et donc, Laure va défendre Nico. Du bureau. Oui. C'est pour ainsi dire du jamais vu. Reste avec nous. Tous les matins, de 6h à 9h. C'est Camille Kouma, Virgin Tonic.

Virgin Radio, partenaire du High Five Festival. À tous les passionnés de ski, rendez-vous à Annecy du 30 septembre au 2 octobre pour assister à ce festival unique qui célèbre l'arrivée de l'hiver avant l'heure. Au programme, avant-première de films de ski et de snowboard dans un cinéma. Rencontre avec les pro-riders internationaux. Séance de dédicace. Village de marque, espace trampoline. Restaurant éphémère et soirée. Yeah, info et réservation sur high-five-festival.com. Gagnez votre tenue de freerider sur virginradio.fr et plein d'autres cadeaux. Le High Five Festival, un événement Virgin Radio. Piaté par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62 333. Message fixe 37 centimes par SMS à coût d'envoi, service modéré et animé. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Now. Le nouveau Shawn Mendes. I know I can treat you better than he can. Le nouveau Lost Frequencies. Lost Frequencies. Alan Walker. Broken Back. Virgin Radio. Rock. Electro. Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous, loyaux 7-12-13. Vous êtes tellement nombreux à vous être inscrits une nouvelle fois pour ce tirage au sort du loyer de 7h20 comme chaque matin. 6h20, 7h20, 8h20. On vous rembourse votre loyer. Tirage au sort dans 2 secondes à peine. Vous êtes encore à temps pour vous inscrire. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur un dossier important de l'émission. Si vous étiez là juste avant la coupure publicitaire, eh bien sachez que Laure a dit qu'elle allait défendre Nico du bureau. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la radio. Jamais. Laure, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu veux défendre Nico? Alors, je propose que le juge Clément rappelle un petit peu les faits. Pour ceux qui nous rejoignent tout de suite, on était où, Clément? On était en train de parler du doyen de votre frigo, l'objet le plus vieux qu'il y a dans le frigo. On a abordé le thème du fromage et Nico du bureau est arrivé comme ça. Il nous a dit, le bleu, par exemple, c'est du moisi et c'est pas mal. Ce à quoi mon client, Monsieur Combal, bien sûr, arrivé en disant c'est un scandale. Le bleu quand il est moisi, c'est horrible et c'est pas forcément ça. Et Laure, à qui on n'avait rien demandé, est arrivée au milieu de cette bagarre et elle a dit tout simplement, je vais prendre parti pour Nico du bureau. Mais ce qu'il faut savoir, Monsieur le juge, c'est que ça n'est jamais arrivé. Normalement, ces deux êtres ne peuvent pas se piffrer. Mais là, il y a un truc qui s'est passé. Eh bien, on aimerait savoir, Laure, pourquoi tu veux défendre Nico? Bah parce que il a raison, le parmesan bleu, c'est du bleu, c'est de la fermentation, c'est du pourri et c'est exactement le même pourri qu'il y a dans le bleu d'Auvergne, le bleu qu'on appelle bleu quoi. Donc toi, demain tu ouvres ton parmesan, il y a du bleu, tu le manges? Je le cuis, mais je peux le manger, ça me dérange pas. Après j'aime pas le fromage, mais les gens qui aiment le fromage, ça les dérange pas. Par contre, ça n'a choqué personne qui utilise le mot ragoûtant. C'est un autre procès. Alors je vais juste rendre le verdict. Elle met quand même un petit taquet derrière. Je peux donner mon verdict? Allez-y, juge Clément. Alors je condamne, je donne raison. Alors je la condamne à faire un bisou à Nico du bureau. Et vous, Monsieur Combal, je vous condamne à payer un loyer tout de suite. Eh ben très bien, c'est parti. Pendant le bisou, je paye le loyer. C'est parti, le tirage au sort a eu lieu. Loyer au 7-12-13 par SMS. Et c'est une messagerie. Merci. C'est un beau moment. Je me suis pris en pleine gueule. Ce loyer. À 6h20, on avait offert le loyer de Fabrice, hein, 905 euros. Et là, ça n'a pas décroché. On appelait Maxime de Paris. Je savais qu'il s'appelait Maxime, voilà, de région parisienne. Mais je suis désolé, Max. Il faudra te réinscrire pour avoir une chance d'être tiré au sort. Après, je vous rassure, hein, vous tous qui nous écoutez là en direct, qui vous êtes inscrits, et Maxime, peut-être qui nous écoute, qui n'a pas décroché. Tous vos SMS vous ont inscrit pour le tirage au sort du 16 septembre. 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. La plus grosse dotation, le plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France. Ça y est, c'est fait. Ce sera le 16 septembre en direct, en exclu sur Virgin Radio. On est les seuls à vous faire des beaux cadeaux comme ça pour vous remercier pour votre fidélité. Vous l'avez compris, un SMS, peut-être tiré au sort à 8h20. Quoi qu'il arrive, inscrit pour ce tirage du 16 septembre. Je vous souhaite encore bonne chance à tous. On écoute The Strumbellas tout de suite. Spirits, pendant ce temps... Ah ça y est, ils sont nus. Continue de se réconcilier. Vrai beau moment. Reste avec nous sur Virgin. Bonjour tout le monde. Nous sommes The Strumbellas on Virgin Tonic. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Salut à tous, c'est Bardi, c'est le 6 septembre. Merci d'être là les copains, on est à vos côtés, 6h, 9h chaque matin, le Virgin Tonic. Oui, Laure, Clément, Jean-Coco du Standard, on vous souhaite vraiment beaucoup de courage, vous êtes déjà, je sais, nombreux alors qu'il est en voiture. Alors la Popo, évidemment, on en parle, elle a trouvé un mec. Oui. Je vous le dis, vous êtes nombreux à l'appeler au 3916 en disant « Ouais, est-ce que t'es toujours célib ?» Non, ça y est, ouais. Popo est maqué, elle a trouvé William, oui, il habite Bordeaux, il a l'âge d'Alain Juppé, ils sont en classe ensemble, le maire de Bordeaux quand même. Non, il a 10 ans de plus que toi. Exactement. Il est en pleine patate. Ouais. Puis là, c'est les débuts, quoi. Ouais, vous aimez, quoi. Ouais, et puis là, c'est les cadeaux. Ouais, je suis trop contente parce que je sais que là, je vais recevoir un cadeau. Mais bon, je dois rester chez moi de 14h à 17h. C'est quand même un peu relou. Mais c'est pire. Vaut mieux. Je préfère rien avoir comme cadeau qu'être obligé d'attendre. Ça dépend quel cadeau. Mais c'est quoi? Bah, j'en sais rien. Mais. Ça sent la centrifugeuse. Ouais. Bah, j'aimerais bien. Ah bon? Bah oui, grave. Arrête, alors. Ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien une centrifugeuse. Oui, bah ça va, je vais pas vous l'offrir non plus. Qu'est-ce que j'ai fait parler de centrifugeuse? Ouais. Clément. Non, mais recevoir un cadeau, c'est mignon, mais c'est hyper relou de rester chez soi. Ah ouais. Bah, c'est moi, tu me fais ça, on me dit c'est mignon, je dis non, c'est relou. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en amour, tu vois, la frontière entre mignon et relou, elle est parfois un peu faible. Ouais. Elle est très fine. Par exemple, c'est très simple. Entre, je sais pas moi, quand on te met en fond d'écran sur un portable. Ouais. C'est mignon. Non, c'est mignon. Arrête, écoute. Oh, c'est relou, Pauline au standard. Mignon si la photo est belle, relou si c'est avec des petits cœurs et des chats. Là, c'est trop. Ah, ouais, c'est trop. Ouais. Ah, je suis d'accord, Clément. Quand tu vas à un mariage et qu'on te demande de t'assortir en couple, de mettre les vêtements à peu près les mêmes couleurs. Relou. Et tout. C'est relou, mignon. C'est relou, mais c'est relou de dingue. Lucas, tiens, avec nous au 3916. Lucas. Ouais. Tu vas jouer avec nous. On a lancé un tout nouveau jeu. Je viens de l'inventer. Ah ouais, il est magnifique. Ça s'appelle relou ou mignon. Ok. En amour, on fait une proposition. On doit dire si on trouve ça relou ou mignon. D'accord. Ok. Ah bah c'est mignon ça. Ouais. S'embrasser en public. Oh, c'est mignon. Relou. Ah, c'est mignon. C'est relou. C'est relou. Pauline. Mais quoi, tu le fais pas? C'est hyper important. C'est hyper mignon. Je le fais quand je suis obligé parce que j'ai des soucis. Mais si je peux l'éviter, non, j'avoue, c'est un truc que j'aime pas. J'aime pas voir des couples s'embrasser, Clément. Non, puis on fait pas ça pour les autres. On fait ça pour nous. C'est un moment d'intimité. C'est comme si, on faisait l'amour en public. T'en penses quoi, Lucas? Moi, je trouve ça mignon. Tu vois l'amour dans les regards des gens. Je trouve ça terrible, moi. Ah ouais, bah. Prendre un bain à deux, franchement, allez. Non mais en vrai, là comme ça j'ai envie de dire, oh c'est mignon le couple et tout. En vrai c'est relou, il n'y a pas la place pour deux dans une baignoire. Lucas. Ah c'est complètement relou. Mais c'est relou. Clément. C'est suicidaire en ce qui me concerne. Non mais la douche à deux c'est super par contre. Oh non, moi j'aime pas, j'aime me laver tranquille. Oh c'est bon quoi. Ah non, j'aime pas Pauline. Mais bonjour le romantisme avec toi, Camille. Ah ouais. Pourquoi? Bah, la douche à deux, c'est génial. Le bain, je suis d'accord avec toi. C'est relou, t'as envie de te détendre. Et la douche, c'est génial. Ouais, tu peux laver l'autre. Ah ben, vu l'âge de ton mec, oui, je sais. Je sais. Je suis obligé de laver. Et de mâcher sa viande aussi. Hein. C'est romantique. C'est mignon. Reste avec nous, c'est Virgin. Bisous, mon petit Lucas. Merci d'être là. On se retrouve dans un instant. Petite pause sur l'actu, comme on le fait tous les matins, à 7h06, bien sûr. Et puis le son de Serge Peretta qui arrive, bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, ça va être une très belle journée côté ciel aujourd'hui avec beaucoup de soleil sur presque tout le pays, à peine quelques voiles nuageux sur le nord, de la Bretagne ou Hauts-de-France, en passant par la région parisienne, Paris où il fera 25 degrés cet après-midi, vous aurez 27 à Lyon et 32 à Bordeaux. Plusieurs incendies se sont déclarés hier dans le sud du pays, les départements du Tarn et de l'Aude ont été touchés, le feu a pris aussi dans les Calanques au sud de Marseille, poussé durant plusieurs heures par un violent mistral en direction de Cassis, l'incendie a été bloqué en fin de soirée par les 800 pompiers mobilisés. Deux hommes de 41 et 59 ans abattus hier soir à Marseille. Ils ont été tués vers 23h dans un bar du centre-ville, dans le deuxième arrondissement de la cité phocéenne. Il s'agirait d'un règlement de compte dans le milieu du banditisme. L'été a été particulièrement meurtrier dans la région marseillaise, avec 10 individus abattus par arme à feu depuis le 7 août. L'affaire Big Malion s'invite dans la pré-campagne pour 2017. Le parquet requis le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy pour le délit de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Les juges d'instruction ont maintenant un mois pour décider de la suite à donner. 30 millions d'euros vont être réaffectés aux universités, de l'argent pour sécuriser le plus possible les 70 campus du territoire. La reprise officielle des cours, c'est lundi dans les facs. Les 1 600 000 étudiants devront se plier à la fouille des sacs à l'entrée des campus. Volkswagen va-t-il devoir signer des chèques en Europe comme il l'a fait aux États-Unis après le scandale du Dieselgate? Cela ne fait aucun doute pour la commissaire européenne à la justice. Elle invite d'ailleurs les consommateurs européens à porter leur dossier devant les tribunaux. Des recours collectifs contre le groupe Volkswagen sont maintenant envisagés. L'actu musique, l'une des plus grosses stars de l'électro pour la plus grosse soirée électro. The Evener vient d'ajouter son nom à l'affiche d'Electrochoc, le producteur niçois dont Virgin Radio vous a fait découvrir le nouveau single We Go Home. Ce sera la 6e participation de The Evener à l'événement. 14 groupes et artistes désormais attendus le 6 octobre au Zénith de Paris, notamment Synapson, Feder, Mom ou encore Kungs. Vous invite en écoutant Virgin Radio et sur virginradio.fr. Un mot de sport avec les quarts de finale de l'US Open à New York, c'est aujourd'hui. Lucas Pouille opposé à Gaël Monfils dans la soirée vers 19h30, suivi d'un autre duel très attendu, Joe Wilfried Tsonga face au Serbe numéro 1 mondial, l'ogre serbe Novak Djokovic. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil sur Virgin Radio. Aujourd'hui, excellent réveil à vous tous. Vous êtes dans le Virgin Tonic. Je le sais, peut-être encore sous la douche pour bon nombre d'entre vous, déjà en voiture, ou en route pour le travail, en route pour déposer vos enfants. L'équipe est là, bien sûr. Oui, chaque matin. Dans un instant, on va avoir le réponse à tout. On va poser des questions aux enfants. Clément s'est occupé de ça encore hier. Serge Perretta pour le pop rock électro. Et pour le moment, et c'est important, une info qui concerne les femmes. Ah. Oh. Vous savez à quel point j'aime les femmes? Oh oui. Mmh. Je les adore, je sais vous êtes nombreuses à nous écouter. Eh bien, il y a une étude qui est réalisée qui vous concerne que vous les filles. Oui. Par l'INSEE. Mmh. Et on y apprend un truc incroyable. Presque 2 femmes sur 10 préfèrent être avec un homme plus jeune. Ah ouais? 20% des femmes veulent être avec un homme plus jeune. Alors, Pauline, c'est tout l'inverse. Mais de ton mec, on en parlait tout à l'heure, à 143 ans. Oui, un petit peu moins, juste un petit peu moins. 142. Voilà. Bah, sur les 143. Non, il a 10 ans de plus que toi, c'est vraiment les hommes plus mûrs. Ah oui, je préfère, en fait, je me rends compte, parce que je suis déjà sortie avec plus jeune. Hein. Et oui, et c'est vrai que, alors, petite expérience, en gros, 10 ans d'écart, on a à peine la même maturité à peu près. Ouais, voilà. Exactement. On est beaucoup moins mature les hommes. Laure. Mais moi, j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé. J'ai eu l'impression d'être sa mère, c'était hyper gênant. Toi, Juju, vous avez combien de différence? On a un an d'écart. Un an d'écart? Ouais. Ça se passe bien? Un an de plus que moi, c'est parfait. On revient vers toi l'an prochain. Moi, ma relation la plus longue, c'était avec une fille de 9 ans de plus que moi. Ah ouais? Ah ouais, quand même. Eh ouais, j'étais un peu je jouais au papa alors que j'étais jeune, quoi. Un petit jeune, mais c'est bien. Eh ouais. En 50 ans, le nombre de femmes sortant avec des hommes plus jeunes a doublé. C'était 1 femme sur 10, c'est maintenant 2 sur 10. Ginger, tu pourrais être attirée par un homme plus jeune à la base ou plus âgé? À la base, plus âgé, mais pour avoir testé plus jeune, et ben franchement, je reviens sur ma décision, en fait. Ah. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est. Non, ouais, franchement, eh oui, ouais. Ils sont plus vifs. Oui, Pauline. Tu vois, ma sœur, elle est avec un mec qui a 25 ans, elle en a 39. Donc il y a quand même un gros écart. Oula, oh, ouais. Et la cougar. Non, mais ce qui est très bizarre, c'est que c'est un ami de mon petit cousin, donc ça fait un truc dans la famille trop bizarre. Parce que mon petit cousin, c'est le petit cousin. Et toi, ton mec, c'est pas un ami de ton grand-père? Merci. Elle l'a bien pris, celle-là. Je vais la payer, je pense, jusqu'à 9h. Serge Perretta, carré, je vous l'ai dit, mais avant, c'est le réponse à tout. Perché. Réponse à tout. Eh oui, le réponse à tout, les copains, c'est Clément qui pose des questions aux enfants dans la rue. Et je leur ai demandé ce qu'était selon eux une permanente. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une permanente? Ça dépend pourquoi. Si c'est une manicure, c'est un truc qui dure tout le temps, qui est permanent. Donc c'est quoi? C'est se faire les ongles, une permanente? Non, pas forcément, mais c'est quelque chose de permanent. Bah, c'est quelque chose qu'on peut inventer dans le futur. On dit que je veux que ça soit permanent et après ça reste permanent. Et toi alors? Moi je crois que c'est une coiffure qu'ils faisaient il y a longtemps. Bah, c'était hyper frisé et voilà, c'était blond. Blond et frisé. C'est quand t'es blond et frisé, c'est une permanente? Oui, je crois. C'est pas une expression. Genre, par exemple, j'en ai marre de mes... Enfin, par exemple, j'ai tout le temps les cheveux emmêlés, c'est une permanente. Ça, c'est quand on râle, quoi. Ouais. Et ça veut dire quoi? Bah, que c'est tout le temps comme ça, qu'on pourra jamais changer. Ok, pour toi, c'est quoi une permanente? Pour moi, c'est un adjectif féminin. Et c'est pour quand quelque chose reste autant de temps qu'on le souhaite. Donc des invités qui veulent pas partir chez toi, c'est des permanents? Non, c'est des non-permanents. Parce qu'ils partent au bout d'un moment? Oui. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. sang sur le oui de fin qui sait pas où il est, il sait plus où il en est. Reste avec nous sur Virgin, un peu de pop rock électro et après du gospel. Ah. Et oui, Virgin Gospel Quiz. Retour, ça va être l'ambiance. Pour gagner un pack PS4, vous en rêvez, et bien c'est simple, 3916, appelez-nous maintenant, à tout de suite. Hi, this is Serge Peretta on Virgin Tonic. Tonic. What we could have been, where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. I couldn't make it any more harder. I still do. I get so emotional. Come, we make a truce. 'Cause I cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Septembre, soyez les bienvenus sur Virgin. On est à vos côtés tous les matins. J'espère que ça va pour vous. Il y a Laure, il y a Clément, il y a la Popo. Et on a vraiment des beaux cadeaux. Ah, 50 ans de loyer, on ne parle que de ça. Quand je croise les gens, ils me disent, ah, il faut m'offrir les 50 ans. Le tirage au sort, c'est le 16 septembre. C'est par SMS, loyer au 7, 12, 13. Mais on a aussi d'autres très beaux cadeaux. Attention, on a des séjours à la mer ou à la montagne. On a des passes pour l'électrochoc. On vous les a offerts il y a une heure. Mais pour le moment, c'est un pack PS4. Votre PlayStation 4 avec le jeu Uncharted 4. Vous inscrivez au 3916. Et c'est marrant, il y a plus de filles que de mecs qui nous appellent pour la PlayStation. Eh oui. Oui, Laure. Parce qu'elles pensent à leur chérie. Eh oui, ou voilà. Parce qu'elles aiment les PlayStation. Bah oui, ça m'étonnerait. Alors, ben moi, demain, j'écoute une radio, ils offrent un épilédie, j'appelle pas. Bah oui, c'est ça la différence entre nous. Exactement. Attention, on y va, c'est le grand retour. Je suis tellement heureux. Du Virgin Gospel Quiz. Alléluia. Virgin. Virgin Gospel. Virgin Gospel Queen. Alléluia. Alléluia. Sisters and auditors. Oh là là, on est heureux de vous retrouver. On va chanter des questions avec notre chorale gospel. Vous le savez, l'abbaye du pop rock électro est juste à côté. Là, on l'aperçoit d'où on est. Et donc, le groupe de gospel de l'abbaye vient nous voir de temps en temps. Et c'est la première fois de l'année. On sent que l'été leur a fait du bien. Il est à fond, quoi. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alors, le principe est simple. Je vais te présenter, je vais vous présenter à tous, pardon, Tiffany. Ça va, ma Tiff ? Ben oui, écoute, ça va. Bonjour, Camille. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour, Tiffany. Un accent du Nord, on le sent. Oui, tout à fait. Bien sûr. Tiffany, tu viens d'où ? Eh bien, écoute, je viens de Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et on connaît bien, on connaît bien. Et oui, Eh oui, je sais que tu connais bien. Eh oui, ma tante est fleuriste à Digne. Ah oui, oui. La Louisette. Je savais, ouais. J'avais déjà entendu. Eh bien sûr. Alors, ma chérie, attention, on n'est pas venu parler que de ma tante. On va quand même jouer pour la PS4 avec le jeu. Oh là là. Il va falloir que tu puisses répondre à 3 questions qu'on va te poser en gospel. C'est le Virgin Gospel Quiz. C'est parti. Alléluia. Alléluia. Quelle est l'équipe de football que la France va jouer ce soir en match de qualification pour le mondial 2018. Alléluia. Oh là là, quelle ambiance de tous les diables! Ah oui! Tiffany, ma belle, est-ce que tu as la réponse? Est-ce que ce serait pas l'Italie? Non! C'était il y a quelques jours. C'était qui? C'était la Biélorussie. Et la Biélorussie. Et c'est pas amical, ça compte. Oui, pas amical. Oui, c'était amical contre l'Italie. C'est vrai, là, ça compte pour la qualification à la Coupe du Monde. C'est un match important. Bon, c'est pas grave, ma chérie. Maintenant, t'as plus droit à l'erreur. On y va, deuxième extrait, je suis sûr que vous aviez la réponse du Virgin Gospel Quiz, c'est parti. Alléluia. Quel est le nom que la monnaie en Allemagne avant 2002. Je sais pas trop si ça peut t'aider, mais dedans y a le prénom de nos DRH à Virgin Radio. Alléluia. C'est un indice. Le Deutsche Mark. C'est une alléluia bonne réponse. C'est le Deutsche Mark. On embrasse le DRH de Virgin Radio. Eh bien, c'est une bonne réponse. Moi aussi, je l'embrasse beaucoup. Ça fait une bonne réponse et une mauvaise réponse. Attention, tout va se jouer sur cette dernière. Peut-être que vous nous rejoignez à l'instant sur Virgin Radio. On est en plein Virgin Gospel Quiz pour repartir avec une PS4. C'est comme ça chaque matin entre 6h et 9h. C'est parti, Tiffany, dernier extrait. Alléluia. Alléluia, alléluia. Combien d'années de loyer, on va vous payer, vendredi 16 septembre, même moi j'ai participé, j'ai peut-être pas le droit, je me dis. Alléluia. Vous n'avez pas le droit, mais alléluia. Tiffany, ma chérie, est-ce que tu as la réponse? Oui, c'est 50 années. 50 années, c'est gagné pour toi, bravo. Bravo, bravo, bravo, 50 ans de loyer gagné pour toi, ma chérie. Félicitations. Non, j'ai confondu. Ça, c'est le 16 septembre, bien sûr. Non, pas encore les 50 ans, mais ce sera peut-être pour toi, inscris-toi. Mais là, c'est déjà un très beau cadeau. C'est le pack PS4 avec le jeu qui va avec, ma chérie. On t'embrasse très, très fort. Ah, c'est trop bien, je suis vraiment trop contente. Vraiment, merci beaucoup. Merci Camille, merci à toute l'équipe de Virgin. Vous êtes super, je vous adore. Et si tu croises ma tante à Digne-les-Bains, la Louisette, tu lui fais une bise de ma part. J'irai lui faire un gros bisou. Ah oui, j'y vais de ce pas même. Eh ben t'es un ange, merci ma chérie d'être avec nous. Allez, les One République tout de suite. Alléluia, hein, merci. Alléluia. Merci d'être venu, vous êtes sur Virgin Radio. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. Kills me, makes me feel alive. Yeah, I've been losing.

bordélique. C'est le cas de mon frère Clément. Ouais. Il a quand même des trucs sur lesquels il est maniaque. Bien sûr. Laure. Moi, je suis pas maniaque, mais j'ai trois paniers pour le linge. Un blanc, un noir, un couleur. Ouais, c'est over maniaque. Mais non, mais comme ça, je gagne du temps pour faire les machines. Ah, non, mais c'est très maniaque. Ah, ouais. L'autre, c'est la laverie chez elle. On déconne. Il y a des jetons et tout pour faire. Tu sais ce que c'est faire les cifs de 5 personnes? C'est énorme, quoi. Bah non, je sais pas. Bah voilà. Bah non, parce que j'ai pas d'enfant, quoi. Voilà. Attends, j'ai pas de cadeau pour la fête des pères, donc je me plains pas non plus. Clément. Moi, je suis alors, mais vraiment, vraiment pas maniaque. Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand on prend mon peigne. Genre, tu utilises mon peigne trois fois, je pense que je le jette. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, les cheveux, c'est sacré. Ah ouais? Moi, j'ai un truc, c'est sur les nappes. Les nappes, je peux passer ma soirée à aller d'un côté, remettre à gauche, que ce soit au millimètre. La symétrie. Ouais. Oh, moi, je suis maniaque, de toute façon. Ok, tout m'énerve. Ouais. Tout m'énerve. Mmh. Pauline. Mais moi, je suis pas maniaque, mais mes stores, en fait, chez moi, doivent être baissés à la même hauteur quand je suis en mi-soleil. Ça. J'ai ça. Ça peut me. Mais je peux pas faire de sieste. C'est-à-dire, s'ils sont pas à la même hauteur, je peux pas me mettre bien dans ma sieste, quoi. Ah non, mais c'est. Moi, je suis pareil. De toute façon, tout ce qui est. Faut que ce soit réglé, parfait, quoi. Alors. Oui, c'est la symétrie. Moi, c'est pareil. Quand je m'épile les sourcils, je ne supporte pas qu'il y en ait un différent de l'autre. Il faut que ce soit exactement pareil. Ça, c'est ça, c'est bien pour tout le monde. J'ai jamais vu personne qui dit oh, j'adore, alors je me fais pas le gauche. Avant, je fais très très fin sur le droit. C'est top. Personne ne fait ça au monde. Mais tu sais qu'on n'a pas les yeux symétriques. Mais oui, mais quoi qu'il arrive, tout le monde veut que ses sourcils soient pareils. On veut, mais on n'y arrive pas forcément. Surtout quand on se le fait. Clément, t'imagines, il y a un footballeur qui fait ça un jour. Je suis sûr que sur toutes les cours d'école, le lendemain, on l'a tous. Si j'étais footballeur, je m'amuserais à lancer des modes. Pogba, il se rase qu'un sourcil. Mais demain, mais écoute-moi, il n'y a plus. Un élève de quatrième qui a deux sourcils. N'importe quoi qu'il fasse, tout le monde le fait. Il danse, il a un branleur. On sait même pas ce que ça veut dire. Il est génial. L'autre, il s'écrit, mais Volkswagen sur le côté droit du crâne, avec les cheveux, on va tous écrire Volkswagen, on va être comme des fous. Lui, quoi qu'il fasse, tout le monde le fait. De toute façon, Clément. Il devrait se maquiller avec l'éducation nationale. C'est dès qu'il met un but, il récite des dates. Mais oui. Tout le monde s'amuserait à réciter des dates. Il est en histoire. Mais c'est grande idée. Mais c'est ouais, c'est bizarre ça. Et vous croyez quoi, les gars? Comment la marque, par exemple, Waikiki, elle est arrivée? Un gars comme Pogba, il a mis un jour, il a dit, ah, il nous faut ce délire. Ouais, absolument. Clément. On passe un message au footballeur. Au prochain but, lisez un livre. C'est tous les jours, tu lis un livre entier. Vous êtes peut-être pas maniaque non plus, mais si vous nous avez appelé, si on vous a même nous rappelé au 3916, c'est quand même, vous avez des petits travers. C'est quoi le tien, Marilyn? Sois la bienvenue, bonjour. Coucou Camille, coucou toute l'équipe. Salut. Salut. Eh bien écoute, moi je suis pas maniaque, mais j'avoue que quand je retourne un sablier, je suis obligée de le secouer, tu sais, pour faire tomber les derniers grains de sable. Ah ouais, pareil. Ah ouais. Pareil. Alors je t'avoue que j'ai pas tous les jours un sablier dans les mains. Mais vraiment, j'ai le même truc que toi, j'ai ce truc-là. Oui, Pauline, au standard. Mon mec, lui, il se lave les dents avec un cendrier. un sablier, pardon. Mais tu blagues? Non, je rigole pas. Comme ça, il sait exactement le temps qu'il faut. Sinon, alors, dis-lui, un truc de fou, c'est un minuteur sur un iPhone. Il a pas d'iPhone. Avec... Non, mais c'est pas possible. Il a un c'est F1. Non, mais sans déconner. Oui, Clément. Il faut dire aussi que le mec de Pauline enlève ses dents aussi pour... Non, mais déjà, on va s'habiller dans la salle de bain, mais c'est la salle de bain de Benjamin Gates. C'est la salle de bain de la jeune. Personne n'a s'habillé dans sa salle de bain. Mais si à côté du lasso, je vois pas où est le problème. Je suis sûr, le mec de Pauline, je suis sûr. Dans des cadres, il y a des papillons. Vous voyez ces fous là qui épingle des papillons dans des cadres. Mais qui fait ça? Je suis sûr, le mec de Pauline, oui. Il fait ça, Laure. Non, juste pour dire que moi, mon mec, il est moderne, il a un minuteur intégré dans sa brosse à dents. Moi, j'ai ça aussi. Ouais. Bah oui, ouais. C'est la même brosse à dents. Bah ouais. Là, au Ralbé, je le dis. Qu'est-ce que je dis? Oh là là, on en parle. Alors, je m'en fous, non? Au Ralbé, tiens, c'est dit là. Bah, foutez-moi en zonzon, tiens. Venez me chercher l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Je vais au mitard, je vais au Ralbé. Le mec de Pauline, sans déconner. On divague là, mais c'est n'importe quoi quand même. Il a pas d'iPhone, il a un minuteur, sans déconner. Non, c'est pas possible. Il a un sablier. Un sablier, non, oui, je veux dire. Une clepsydre, apparemment. Comment? Une clepsydre. Vie dans un fort. Non, mais il est trop mignon. C'est pas un fort. C'est Pauline, c'est qui regarde la télé. Et l'autre, il lui dit, tu sais que j'étais à l'école avec le père Fouras. Ils étaient à l'école ensemble, les deux. C'est un truc de fou. J'en veux pas. Marilyn, je t'embrasse très fort. Il y a François, il y a plein de monde aussi au 3916. On vous prend au téléphone dans deux secondes. Continuez de réagir. Hashtag, je ne suis pas maniaque, mais. Vous êtes dans le Virgin Tonic. On écoutera aussi The Avener. Et oui, parce que le matin, c'est aussi le meilleur du pop rock que vous aimez pour ouvrir les yeux. On revient, ne bougez pas. Your radio. Pop rock. Electro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, c'est le retour du beau temps aujourd'hui sur l'ensemble du pays. De belles éclaircies sur les régions du nord, du grand soleil sur le sud et sur le nord-est. 27 degrés en moyenne cet après-midi, vous aurez 25 à Paris, 28 à Marseille et le soleil qui va bien briller toute la semaine. L'incendie près de Marseille est en passe d'être maîtrisé. C'est en bonne voie d'après les pompiers. Les flammes qui se sont déclenchées hier dans les Calanques ont parcouru 360 hectares de végétation sans faire de blessés. Aucune habitation n'a été touchée. La commune de Cassis n'a pas été atteinte. Les avions bombardiers d'eau vont pouvoir reprendre leur rotation dans les prochaines minutes. L'évacuation de deux lycées hier en Gironde en cause des appels anonymes laissant planer une menace terroriste sur ces établissements. Au lycée de la mer de Gujan-Mestras, près d'un millier d'élèves a dû quitter les salles des classes dans la précipitation. Avec le déclenchement des procédures de mise en alerte, les gendarmes, les équipes cynophiles et la mobilisation d'un hélicoptère, le doute a été levé, la menace écartée, les élèves ont pu reprendre les cours. Une enquête est ouverte pour trouver l'origine de ces appels. Un nouveau règlement de compte. Hier soir à Marseille, deux hommes ont été abattus vers 23h dans un bar du 2e arrondissement de la cité phocéenne. Le procureur parle de probables représailles dans le milieu du banditisme marseillais. Big Malion s'invite dans la campagne. Le parquet de Paris a requis le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy pour le financement illégal de sa campagne de 2012. Les juges d'instruction ont maintenant un mois pour suivre ou non les réquisitions. La moitié de la population française sera couverte par le très haut débit à la fin de l'année. C'est une promesse du ministre de l'Aménagement du Territoire à l'ouverture du Forum national du très haut débit à Marseille. L'objectif serait donc atteint avec un an d'avance. 10 ans après la parution du 7e et dernier volet de la saga Harry Potter, J.K. Rowling publie aujourd'hui 3 recueils de nouvelles en version électronique, des recueils déjà parus sur le site officiel pottermore.com. Le premier dévoile quelques secrets sur l'école Poudlard, le deuxième se penche sur le ministère de la magie et le troisième se concentre sur les enseignants. Et puis vous pouvez aussi prolonger la magie en allant faire un tour à Londres, visiter le Warner Bros Studio Tour. Dans l'actu sport, le tennis avec les quarts de finale de l'US Open aujourd'hui à New York. 3 Français sur les courts, dont le duel Lucas Pouille-Gaël Monfils, pas avant 19h ce soir, heure française. Joe Wilfried Tsonga sera lui face à sa bête noire, le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Et puis du foot, l'équipe de France lancée dans les éliminatoires au mondial 2018. Les Bleus jouent ce soir en Biélorussie. C'est à suivre à partir de 20h45 sur TF1. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Bon réveil. Merci de nous rejoindre sur Virgin Radio, bien sûr. On est là chaque matin, 6h-9h, le Virgin Tonic avec Laure qui est ici. Salut ! Avec Clément Lincrus. Bonjour ! Et avec Pauline du Standard. On vient d'apprendre que le mec de Pauline a un sablier dans sa salle de bain pour se brosser les dents. Mais c'est complètement surréaliste. Et un assaut. Mais c'est n'importe quoi. Et oui, mais en alors, même temps... Il faut expliquer, vous avez beaucoup d'écart, vous avez plus de 10 ans d'écart. 10 ans, ouais. Mais il est âgé hein, par rapport à toi. Hein. Il n'est pas très très âgé, arrête de dire ça, parce que mon père est en train de se monter la tête. Ben, c'est normal. Ben alors, il faudrait qu'il fasse une filature, ton père, pour savoir si c'est un mec bien. Il faut qu'il suive la seule diligence de Bordeaux, puisque je rappelle qu'il roule en calèche. Non, le mec de Pauline roule en calèche, Clément. Je vais pas tarder à le rencontrer. C'est vrai, en plus, il m'a donné rendez-vous au saloon. Au saloon de coiffure. Non, non. Saloon. Veux-tu que je trouve de la bonne pour mon cheval? Ok, William. On sera là. Il est trop mignon, arrêtez. C'est le seul gars quand il. C'est comme. Il est tellement vieux, le mec de Pauline. Quand il s'embrouille avec un autre gars dans la rue, tout de suite, il va avoir le croque-mort pour qu'il prenne ses tailles. Comme ça, ok, il y a un duel qui tourne mal. Mais c'est pas possible, ce gars. Un sablier dans la salle de bain. Mais qui a ça? Sans déconner. Que je veux dire un truc, hein. Il y a un truc sont très simples. Quand même Laure trouve ça ringard, c'est qu'au mec, il est à côté de la plaque. J'allais en prendre une au passage. Nico, le bureau. Non, mais ça se trouve, même autour de ces toilettes, tu sais, il y a le tapis qui fait le tour. Mais c'est ça, arrêtez. Le tapis en moquette qui prend juste la taille de la cuvette, c'est horrible. C'est tellement horrible, il n'y a même pas des couleurs kiffantes. Il existe en orange ou en rose. Je suis sûr, dans ces toilettes, ton mec, il est tellement vieux, il a encore un singe qui fait gardien de bus comme ça. Le poster que tout le monde a eu du singe, je sais pas pourquoi. En gardien de bus. Je suis sûr ton mec il dit télépoche. Télépoche qui dit ces trucs. J'en suis sûr qu'il a un chevreuil en paillot au-dessus de la cheminée. Mais c'est sûr, c'est certain. Ça, oh, bah, moi j'adorerais. C'est ma passion. Oh, ça. Mon père il en a plein. Comment? Non, elle adore ça. Bah, je sais qu'elle adore ça. Ah, c'est ma passion les animaux en paillot. Ah, bah, tu m'étonnes. On comprend mieux pourquoi. Oh là là, qui sont rigoles. Tiens, il y avait c'était François, non? Ouais. Oui. François, mon bichon, excuse-moi, on n'a pas eu le temps de te passer il y a deux secondes au téléphone. Sois le bienvenu sur Virgin Radio. Alors, mon poteau, tu réagissais au hashtag je ne suis pas maniaque, mais ouais, dis-moi. Alors, tout. Moi, j'avais envoyé un mail justement au mec à Pauline sur william@caramel.com. Donc, oui, mais moi, je suis pas maniaque, mais à chaque fois dans mon salon, il faut que mes chaises soient vraiment alignées avec le carrelage. Ah, ouais. Attention, moi, tout ce que vous me racontez, je l'ai. Hein. Ouais. Ouais. C'est fou. Hein. Ah, ouais, moi, je peux l'avoir. Ouais, les passages piétons, faut que je marche que sur le blanc et tout. Je suis dans un délire. Hein. C'est bon. Et quand c'est pas le cas, tu bouges les chaises ou tu refais le carrelage? Je bouge les chaises. Parfois même la table. Je deviens dingue. Bon, François, je t'embrasse très, très fort. Merci. Et vraiment, un grand merci à toi d'être là au 3916, d'être avec nous le matin. The Avenor pour le pop rock électro. Tu diras à ton mec que c'est un disquaire. voilà, DJ. Virgin Radio, restez avec nous. Le temps d'écouter tout de suite, c'est la question de ouf. Question de ouf. J'ai failli dire le réponse à tout. Ça, c'est dans une demi-heure. On demande l'avis aux enfants. Mais pour le moment, on vous a demandé de chanter sur les bébés brunes. Coup et blessure sur le répondeur. On a fait un petit montage de toutes vos chansons. Alors, tout n'est pas parfait. De s'envoyer en perte voix délicate. Et des envols, c'est pas des craques. Quand elle me sourit, je me détraque à coup d'insomnie. Tu me plaques comme une affiche au mur. Oh oui, claque-moi. Je porte plein de coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir fou de toi. Fou de toi. 200 watts. En paire de bottes délicates et désinvoltes, les yeux flous perçants, si loin de tout. Merci à vous tous. D'abord, faites votre mieux. C'est bien là l'essentiel. C'est notre version Virgin Tonic des bébés brunes. Grâce à vous, The Avenor, tout de suite. Restez là, vous êtes dans le Virgin Tonic. Courage à tous, belle matinée. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know for we both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know for to think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin aujourd'hui le 6 septembre, c'est le Virgin Tonic. Bon réveil. Les amis, plein de choses encore qui arrivent dans l'émission. Un loyer, bien sûr, à vous offrir. Vous le savez, je le répète, mais c'est important. C'est le dernier rendez-vous de la matinée à 8h20. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Mais pour le moment, j'aimerais tester la famille Virgin Tonic, une famille en or. Oui. Vous savez, quand j'ai un top 3, j'aime que vous deviniez les bonnes réponses. Il y a Laure, la maman. Bonjour. Il y a Nico, le chef de famille. Oui. Clément Lincruse, le petit turbulent en échec scolaire. Ginger, l'ado qui ne quitte pas les réseaux. Et puis Pauline du Standard qui sort avec un pote de son père. Et ça met une embrouille pas possible. Un classement donc pour vous. Le top 3 des mots de passe les plus utilisés. Les mots de passe les plus utilisés, qu'est-ce que c'est selon vous? Ok. Alors moi je sais. Alors moi celui que j'ai le plus utilisé, mon mot de passe. Non, mon mot de passe en mot de passe. Bah oui. Moi aussi je l'ai non, eu. Merci, à la semaine prochaine. Clément, Je pense à des chiffres évidemment et je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est retenu, c'est dans le top 3, Clément. Oh. Réponse validée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu me dis. 1, 2, 3, 4, ça dépend du nombre de lettres. Donne-moi un chiffre, Clément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci, c'est validé. Le prénom d'un enfant. Non, pas du tout. Pauline. Azerty, j'aurais dit pareil. Ah ouais. Eh ben non. Et non. Nico du bureau, consultez votre famille très vite. Le nom d'un animal domestique. Date d'anniversaire. ABCD. Tout le monde fait l'anniversaire. Ouais. Anniversaire, eh bien non. Oh. Le troisième mot de passe. Si demain vous tombez sur un ordinateur, vous voulez l'ouvrir ou le téléphone de votre chérie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, carrément. Le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Et le troisième, le mot de passe le plus utilisé, mot de passe. Non, t'as dit mon mot de passe. C'est mal. C'est pas validé. Eh non. La victoire va à la famille Strudel. Ya, Zergoud, Zergoud. Avec nous sur Virgin. Un cousin à vous, Strudel, Mansell Merlot, de pour le baroque électro. On l'aime beaucoup. Merci. Et votre choix, y'a gagné, bougez pas, c'est Virgin Toyi. Tous les matins, de 6h à 9h. C'est les Kamikouma. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le La Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D qui manque à près d'un Français sur deux et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium pour un petit déjeuner complet. On peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Mère de famille et ancienne infirmière, Christine s'est toujours occupée de tout. Elle s'est occupée de la maison et de ses trois enfants, puis elle a décidé de s'occuper à nouveau de sa carrière. Et grâce au Bon Coin, elle s'occupe désormais de la santé des autres. C'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. À l'occasion de la rentrée des classes, achetez un pot de Nutella et recevez 8 étiquettes personnalisées pour vos enfants. Emma, Enzo, Chloé, Nathan. Alors rendez-vous en magasin. Offre valable jusqu'au 30 septembre sur les pots porteurs de l'offre, voire conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. Ok, toi tu cherches une place à droite, et puis moi je regarde à gauche. Smart4Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart4Two 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. C-E-A. Soignez son look pour la rentrée avec les t-shirts enfants CEA, c'est adorable. Et soignez aussi son budget avec la collection de t-shirts enfants CEA à 3,50€, c'est à craquer. 3,50€ le t-shirt enfant imprimé skater ou animaux, c'est à saisir dans votre magasin CEA. CEA. Aviva s'adresse à vous. Vous, dont les papiers à remplir remplissent les journées. Vous qui ne comptez plus les nuits à refaire les comptes. Vous, les passionnés, qui observez jalousement le soleil, car ce soir, lui aura la chance de se coucher. Vous, qui n'avez plus de temps pour passer du bon temps. Vous, les chefs d'entreprise. Parce que créer ou développer son activité est souvent complexe, Aviva agit pour que s'assurer ne le soit pas. Retrouvez toutes nos solutions d'assurance dédiées aux professionnels sur aviva.fr. Aviva, la bonne idée. Tiens, en encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Vous avez fait quelque chose à vos cheveux, vous êtes beau aujourd'hui. Oh, merci Michel, c'est pour l'opération beauté, ça commence aujourd'hui chez Carrefour Market avec plein de promos. Des promos de toute beauté. Oui, c'est l'occasion d'en profiter. Jusqu'au 18 septembre, pour deux flacons de shampoing Elsève achetés, le troisième est gratuit. Oh bah décidément, vous êtes beau, intelligent, attentionné et frisé. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Flacon de 250 ml, panachage possible. Disponible dans les drives Carrefour Market. Modalité et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je ne vous cache pas que c'était très serré. Et dans la catégorie design, le prix du petit prix revient à la cuisine méthode Ringoult, 409 euros. Elle est bien équipée. Incroyable, elle sait tout faire. Chez Ikea, les prix sont bas toute l'année. Découvrez-les dans le nouveau catalogue et dès maintenant en magasin et sur Ikea.fr. Ikea. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Et bonne nouvelle, c'est le retour du beau temps. Aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, une très belle journée. Beaucoup de soleil, notamment sur la moitié sud. Quelques nuages tout de même sur le nord. Aucune pluie à l'horizon. Vous aurez 20 degrés cet après-midi à Deauville, 21 à Cherbourg, 23 à Lille et à Brest, 24 à Strasbourg, 25 à Chambéry, 26 degrés pour Paris, 27 attendus à Clermont, Lyon et Nice, 28 à Marseille, 29 à Rennes, Limoges et à Bastia, 31 à Perpignan, 32 à Bordeaux. La maximale 33 pour Nîmes et pour Montpellier. Très bon réveil. Merci. Virgin Radio. Virgin Radio. Can't stop the... Envoyez Justin, J-U-S-T-I-N, au 88-000, accédez au catalogue et téléchargez Can't Stop the Feeling en sonnerie. Justin, au 88-000, le tube de l'été sur votre mobile. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Virgin Radio et Allo Floride présentent Fakir. Salut, c'est Fakir avec Virgin Radio. Retrouvez le jeune prodige de l'électro, accompagné d'invités pour sa tournée française. Il sera notamment le 10 novembre au Zénith de Paris, le 17 au Zénith de Toulouse et le 18 aux Libertés de Rennes. Détails des dates et réservations dans les points de vente habituels et sur virginradio.fr. Fakir en live avec Virgin Radio, la radio partenaire des plus beaux concerts. Envoyez demain au 74567 pour connaître la date de la rencontre qui changera votre vie. Demain au 74567. Où le rencontrerez-vous ? Envoyez demain, D-E-M-A-I-N, au 74567. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio Classics. La web radio 100% Classics. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli sur virginradio.fr. Paye votre loyer sur Virgin Radio. Hey, Camille Combal, mais toute l'équipe avec moi chaque matin. Oui, oui. Faire plaisir. Alors, dès 6h20, puis 7h20, puis 8h20, trois fois tous les matins, on vous paye votre loyer. Un seul gagnant pour le moment, Fabrice, à 6h, 905 euros. Ça n'a pas décroché à 7h, malheureusement. Et c'est parti, troisième appel. Dernière chance de gagner ce matin parmi tous les SMS reçus. Je rappelle, un seul numéro. Hein. Loyer au 7-12-13. Il y a plein de gens qui essaient de vous arnaquer sur Facebook avec des faux comptes du Virgin Tonic, de Camille Combal. Il n'y a qu'un numéro pour vous inscrire. Loyer au 7-12-13. En revanche, si vous faites draguer par un Clément Lincru, c'est le vrai. Hein. Il est en galère. Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Philippe. Philippe, le filou? Ouais. Le filou, qu'est-ce qu'il dit? Eh ouais. Pas rien, quoi. Mon filou, t'es au travail? Oui, tout à fait. Ah bah alors, on t'embête pas, je comprends tout à fait. J'ai une question très rapide, elle va te faire très plaisir. Filou, tu m'as envoyé un SMS, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin. Bien sûr. Tu fais quoi dans la vie, filou? Moi, je suis poseur de cloison. Ah, ben, je vais avoir besoin de toi, tiens. Tu peux me faire une cloison, là. C'est pas un truc légal, hein. Il n'y a pas de soucis. J'ai avec mon collègue, on fait tout de suite. Eh ben, n'hésite pas, là. Si tu peux être là dans les 20 minutes, je te cache pas qu'on finira une fois dans de bonnes conditions. Bon, Filou, tu habites où? J'habite à Besançon, dans le 95. D'accord, et t'as un loyer de combien, mon pote? À peu près 1000 euros. Eh ben 1000 euros, je suis ravi, on te fait le chèque. Alors c'est important de le souligner, le chèque, vous le dépensez comme vous voulez. On paye pas votre loyer, on vous fait le chèque d'un montant de votre loyer, vous en faites ce que vous voulez. Et en plus, Philou, tu l'as compris, t'es inscrit comme tous ceux qui ont pas eu la chance d'être tirés au sort pour le grand tirage du 16 septembre. 50 ans de loyer. C'est 50 ans de loyer pour toi, mon Philou, et pour vous tous qui nous écoutez. Quoi qu'il arrive, on aura un gagnant. C'est simple, hein, Philou, hein. Avec un loyer de 1000 euros, si je t'ai au téléphone le 16 septembre à 8h20 pour le plus grand cadeau jamais offert sur une radio, je te ferai un chèque de 600 000 euros. Ah, c'est un truc de fou. Voilà. Wow. Eh ben, je te souhaite bonne chance. Déjà 1000 euros de gagner pour toi ce matin. Je t'embrasse, Philou. Ah, merci. Allez, à plus tard et bonne poison avec ton pote. N'oublie pas de passer, que je n'aperçoive plus l'or. C'était la plus près. Sur Virgin, Manzel Merlov, vous l'adorez ce morceau. Nous aussi, c'est parti. Bon réveil. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau, car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Should've left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. Fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Merci d'être là, les amis. Merci de nous avoir choisis plus nombreux chaque matin entre 6h et 9h. C'est le Virgin Tony. Laure, Clément, Popo sont là. Je me présente, je suis Camille Combal. Peut-être que vous nous écoutez pour la première fois. On est là à vos côtés chaque matin. C'est un vrai kiff, hein, vraiment, de partager tout ça avec vous. On a encore des beaux cadeaux à vous offrir. Un séjour à la mer ou à la montagne. Et alors, c'est pas encore gagné. Pour vous, peut-être au 3916. Et pour le moment, j'ai trouvé plein de trucs sur Internet. Ah, cool. Alors, il y a des trucs un peu inutiles. Il y a des trucs un peu inutiles aussi. Mais quoi qu'il arrive, c'est des petites infos qui, je sais, vous permettront de briller à la machine à café. Il n'y a que vous qui les saurez, vous qui nous écoutez tout à l'heure. à l'heure en arrivant au bureau qui pourrait frimer grâce à ça. Puis on va demander l'avis de Florent au 3916 aussi. Salut Florent. Salut Camille. Je vais vous... Salut mon pote, je vais te donner plein d'infos comme à l'équipe. Moi je les ignorais aussi, hein. J'ai trouvé sur internet il y a à peine 10 minutes. Tu vas me dire si tu savais ou pas. Est-ce que vous savez par exemple que certains dentistes maintenant, alors ton chéri dentiste, pardon, certains dentistes, pour anesthésier un enfant, maintenant ils donnent simplement un iPad. Un coup enfants. D'iPad sur la tête. Non. Un iPad. Non, je blague pas. C'est-à-dire que plutôt que d'anesthésie ou quoi, ça les divertit, ça leur met le cerveau ailleurs. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ça passe. Eh ben, ça passe. Génial. Clément. Il y a le gaz hilarant aussi, moi. Le fils d'une amie, il est à l'hôpital. Le gaz hilarant, il se tape une barre de rire. Ouais. Il part en vrille et il s'endort. Ah, ça endort aussi. Ah ouais, ouais. Alors. Alors, moi, au salon anti-poux où je suis allée pour faire enlever les poux des enfants, il y a ça aussi. Ils donnent des iPads à tous les enfants. Ah ouais? Ce qui fait que, bah, du coup, tu sais, ça dure une heure. Il faut passer les cheveux au panier, ça, ça fait mal et tout. Mais ça vraiment, là, ça enlève même la douleur. Tu savais ça, Florent? Bah, ouais, enfin. Je savais pas forcément, mais. Ils s'en foutent. Non, je connais la phrase de Florent. Je savais pas, mais ça fait sens. Oui. Ah. Tiens, j'ai une info. Alors peut-être que vous utilisez plus Facebook que moi. Vous le savez, moi je l'ignorais. Facebook peut identifier une personne selon l'arrière de son crâne. Oh, c'est flippant. Ah ouais. Rien qu'avec l'arrière du crâne, comme on fait, hein, il peut reconnaître et dire ah ben c'est Jean-Louis. Ah ouais. Laure. Ah bon, bah ça m'étonne toujours parce qu'à chaque fois je me dis mais comment il sait, comment il reconnaît les têtes des gens. Ouais. Parce qu'il propose des noms. Mais c'est dingue, mais c'est maintenant même avec l'arrière, Clément. Moi je suis même pas capable. Le nombre de fois sur la cour je descends voir un mec, je fais Camille et il se retourne. C'est pas du tout. Même non, c'est Pauline. C'est bizarre. Non parce que Pauline est blonde. Laure elle me regarde. Là, non, je comprends pas vos blagues. J'ai le regard de Laure, j'ai une mère de famille qui comprend pas la blague de son fils. Quoi. Non, je sais pas. On parlait de baleine bleue il y a quelques jours sur Virgin Radio. Oui. Ouais. Eh bien, sachez qu'en une seule respiration, une baleine bleue peut gonfler 2000 ballons. C'est une bonne info, mais quel intérêt. C'est juste que ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il n'y a que les auditeurs de Virgin Radio qui le sauront aujourd'hui. Ça te fait plaisir de savoir ça, Florent? Ah bah franchement ouais, parce que j'avais une fête à faire et du coup je vais prendre une baleine. Le truc simple quoi. Comment elle est gonflée, mais bon. Bah ouais. Ah là j'ai une info géniale. Ah j'ai une info géniale. 93% des hommes, presque l'intégralité des hommes, préfèrent vivre avec quelqu'un qui est mauvais en cuisine que mauvais au lit. Ah mince. Ah. Ah, moi, j'ai tout misé sur la cuisine. Hein. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Pauline, moi, ça va, c'est tranquille. Hein. Tu dis quoi, Flo-Flo? Non, moi, ça va, c'est tranquille. C'est très bien dans les deux, sens. Ah, et ben, c'est très bien. Ou alors, fais l'amour dans la cuisine. Comme ça, ça mêle les deux. Ben, bien sûr. Ouais, peu importe. Si elle est là, c'est tant mieux. C'est peu importe. Et ben, très bien. Il est amoureux, Florent. Ça fait plaisir. Pauline, au standard. Ben, vaut mieux, parce que si je suis mauvaise en cuisine, vaut mieux qu'on aille manger au restaurant plutôt que si je suis mauvaise au lit, qu'il aille faire ça ailleurs. D'accord. On va mettre cette phrase dans le bon sens. On revient vers toi sous scène. Vous avez pas compris? Hein? Vous avez pas... Mais la France en tire. Pardon, je le fais jamais, mais là je vais me faire le porte-parole de tous les auditeurs de Virgin Radio. D'accord. Pour te dire que vraiment on comprend pas. Mais tu sais qu'on peut tromper une fois 1000 personnes. Mais on peut pas tromper. Non, on peut tromper. Une fois 1000 personnes, mais pas. On bosse la phrase de Pauline, Clément. Ce que voulait dire Pauline, je peux résumer en une phrase ou pas? Oui. Non. Il vaut mieux qu'il paye pour aller au resto plutôt qu'il paye pour aller faire l'amour. Voilà. Si jamais je suis pas bonne. Mais comme je. Ah ouais, bah dans la bouche de Clément, ça marche. Pas de faire l'amour. Oui. C'est grave. Reste avec nous sur Virgin Radio. Merci, mon Flo-Flo, d'être là à nos côtés. On fait une petite pause. Le temps de vous faire l'actu avec tous les journalistes qui se réveillent à vos côtés. Et on écoutera le son de DJ Snake dans un instant. Bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, ça va être une très belle journée côté météo avec beaucoup de soleil attendu sur quasiment tout le pays. À peine quelques voiles nuageuses sur le nord, sans complications. De la Bretagne ou de France en passant par la région parisienne, Paris, où il fera 25 degrés cet après-midi sous le soleil, 27 à Lyon et jusqu'à 32 pour Bordeaux. Plusieurs incendies ailleurs se sont déclenchés hier dans le sud du pays. Les départements du Tarn et de l'Aude ont été touchés. Le feu a pris aussi dans les Calanques au sud de Marseille, poussé durant plusieurs heures par un vieux violent mistral en direction de Cassis. La commune a été épargnée. L'incendie est en passe d'être maîtrisé par les quelques 800 pompiers mobilisés. Deux hommes de 41 et 59 ans abattus hier soir justement à Marseille. Ils ont été tués vers 23h dans un bar du centre-ville, dans le 2e arrondissement. Il s'agirait d'un règlement de compte dans le milieu du banditisme. L'été a été particulièrement meurtrier dans la région marseillaise, avec 10 individus abattus par arme à feu depuis début août. L'affaire Big Malion s'invite dans la pré-campagne pour 2017. Le parquet a requis le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy pour le délit de financement illégal de sa campagne présidentielle, celle de 2012. Les juges d'instruction ont un mois pour décider de la suite à donner. 30 millions d'euros vont être réaffectés aux universités, de l'argent pour sécuriser le plus possible les 70 campus répartis sur tout le territoire. La reprise officielle des cours, c'est lundi dans les facultés. Les 1 600 000 étudiants devront se plier à la fouille des sacs à l'entrée des campus. Volkswagen va-t-il devoir signer des chèques en Europe comme il l'a fait aux États-Unis après le scandale du Dieselgate? Cela ne fait aucun doute pour la commissaire européenne à la justice. Elle invite d'ailleurs les consommateurs européens à porter leur dossier devant les tribunaux. Des recours collectifs contre le groupe Volkswagen sont maintenant envisagés. L'actu musique avec l'une des plus grosses stars de l'électro pour la plus grosse soirée électro, c'est logique. The Evener vient d'ajouter son nom à l'affiche d'Electrochoc, le producteur niçois dont Virgin Radio vous a fait découvrir le nouveau single We Go Home. Ce sera la sixième partie participation de The Evener à l'événement. 14 groupes et artistes désormais attendus le 6 octobre au Zénith de Paris. Synapson, Feder, Mom ou encore Kungs. Vos invités en écoutant Virgin Radio et sur virginradio.fr. Les quarts de finale de l'US Open, c'est aujourd'hui à New York. Lucas Pouille opposé à Gaël Monfils, suivi d'un autre duel très attendu, Joe Wilfried Tsonga face à Novak Djokovic. Et puis côté foot, les Bleus dans le vif du sujet. L'équipe de France affronte la Biélorussie en match éliminatoire à la Coupe du Monde 2018. Match à 20h45. Bon réveil. Les amis, dernière ligne droite sur Virgin Radio. On vous accompagne chaque matin de 6h à 9h. Laissez-moi vous présenter Laure. Laure, une qualité, et un défaut. Allez. Eh bien, je suis perfectionniste, donc c'est une qualité et un défaut. Ah, t'en as fait des entretiens d'embauche, toi. Clément, une qualité, un défaut, il est là aussi avec nous chaque matin. Bonjour, je pense que je suis très généreux et je pense que je suis très exigeant. Pas mal, on se donne jamais des trucs trop méchants. Hein. Mmh. Et Pauline au standard, 3916 pour nous joindre, encore un beau cadeau à vous offrir, une semaine de vacances à gagner. Et Pauline, oui. une qualité. Oh. Un défaut. Un défaut. Oh. Défaut, j'ai un gros problème, je suis souvent très très en retard et les gens m'en veulent beaucoup. Oh oui. Mais une qualité, je ne me vexe jamais. Et quand les gens sont vexés parce que je suis en retard, je me vexe pas. Ah c'est bien ça. Et moi je peux faire. Vas-y. Ouais. Une qualité, je suis gentil. Un défaut, je sais jamais si on met un ou une devant qualité. C'est une vraie galère au quotidien. DJ Snake pour le pop rock électro qui arrive, je vous l'ai dit. Et pour le moment, à 7h06, c'est le réponse à tout. Vous l'adorez ce rendez-vous, nous aussi. Clément part à la rencontre des enfants dans la rue. Réponse à tout. Il y a moins d'une semaine, c'était à la rentrée, on fait le bilan. Quel est le prof le plus chelou que vous ayez? C'est qui le prof le plus chelou dans votre établissement? Moi, c'est mon prof de SVT. Déjà, il ressemble trop à Laurent Blanc. Il a toujours des poils qui dépassent du nez. Moi, c'était mon prof de français parce qu'il stressait tout le temps. Tout le temps, il disait, bon, allez, il est 9h30. Ah, il est 9h32, on est en retard. Tout le temps, il stressait et il nous faisait stresser alors qu'il n'y avait pas besoin de stresser. C'est ma prof de maths. Elle a un accent très bizarre, russe. Et quand elle crie, c'est pas crédible. Est-ce que tu peux l'imiter? Jérémy, devant le fond de la classe et tout au thé. Ça, c'est un accent russe? Mon accent russe. C'est ton accent russe? C'est ça. Et il y a aussi mon prof de français qui est très bizarre parce que tout le temps, il croit qu'on est hyper cultivé, qu'on sait tout, qu'on lit des livres H24. Et aussi, il sent vraiment la cigarette. Moi, c'était ma prof d'SVT parce qu'elle était un peu perchée. Et comme elle aimait bien les arbres, elle nous disait de sortir un peu et de faire des câlins aux arbres. Réponse à tout! Merci à Clément et aux enfants, hein, surtout qui jouent le jeu chaque matin. Vraiment, DJ Snake, on arrive dans 2 secondes à peine. J'aimerais qu'on parle de vos ex. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Vous avez un ex ou une ex, Clément n'est pas concerné. Au 3916, je vous prends le téléphone dans 2 secondes, vous allez comprendre. This is Justin Bieber. Hey, c'est DJ Snake. Hey, we love you. something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Et bienvenue sur Virgin Radio, mardi 6 septembre aujourd'hui. Moi, j'avoue, je sais que vous êtes encore nombreux dans la voiture, à partir au travail, à venir tout juste de déposer les enfants à l'école. Toute l'équipe à vos côtés. Oui, oui. Et je vous ai dit, vous êtes nombreux à nous avoir appelés au 3916 sans savoir pourquoi, juste pour parler de vos ex. Oui. Puisque j'ai trouvé une étude qui m'a amusé. Mmh. Institut australien. Ouais. D'accord. Je dis tout le jour parce que je veux dire, c'est sérieux, on n'invente rien dans les infos qu'on vous donne le matin. On met un an et demi à se débarrasser de toutes les affaires de notre ex. Ouais. Oh là là. Parce que, alors notre ex, encore plus long quand on habitait ensemble, ouais. Mais même si on n'habitait pas ensemble, toutes les affaires, je veux dire, il y a d'abord ce qu'elle vient récupérer, puis il y a des trucs que je dis, t'as oublié ça, puis il y a le deuxième texto de, ah, par hasard, j'ai retrouvé ça, puis des trucs que t'as complètement oublié, Laure. Moi, j'ai laissé un truc chez mon ex, je suis dégoûtée. C'est quoi? Dégoûtée. Mon plat à lasagne. Non, non, mais vous rigolez, il était hyper grand, c'est hyper dur à trouver, je ne retrouve pas la même taille de plat. Ah ouais, Clément. Donc, franchement, si j'avais mon plat à lasagne chez une ex, je m'en mettrais avec elle juste pour le récupérer. Mais viens le récupérer, Laurent, ça me gêne pas, je m'en sers pas en plus. Attends, mais ok. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en fait, c'est moi qui laisse son plat à lasagne. C'est Nico du bureau qui. Mais pourquoi? Vous êtes c'était son ex? Non, pas non, du mais tout. Non, non pas parce qu'en en fait, elle l'avait amené une fois et en fait, elle avait la flemme de laver. Elle m'a dit, bah tiens, tu le laveras, tu me le ramèneras. Mais non, mais non, ça c'est pas le plat à lasagne. C'est pas le plat à lasagne, ouais. L'ex. Que tu crois. Mais non. On oublie tous, mais t'as raison en plus. Ah, mais c'est horrible. Alors, on dit un an et demi pour débarrasser toutes les affaires de notre ex. Mais il y a quoi qu'il arrive, un truc qu'on a toujours oublié. Il y a Dan qui est ici. Allez, on va prendre plein de mots. Il y a Valérie aussi. Ça va tous les deux? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. On va commencer par Valérie. Valérie, t'es plus avec ton ex depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que. Ouais, 5 ans. Et est-ce qu'il y a un truc qui est toujours chez lui? Tu l'as laissé? Mais j'ai oublié mes chaussons que j'adorais, Bob l'éponge. Eh ben, je pourrais faire un truc juste pour les récupérer quand même. Mais tu sais quoi? Oublier des chaussons Bob l'éponge, du coup il les porte et du coup sache que depuis 5 ans il a pas retrouvé de fil. C'est peut-être même pour ça qu'il m'a largué en fait. Qu'est-ce que vous avez oublié chez votre ex? Alors on a le plat de lasagne, on va demander à Pauline du standard. Tiens. Moi j'ai laissé le cadre avec la photo de nous deux. Parce que je me suis dit que sinon j'allais le mettre à la poubelle, peut-être quelqu'un allait le récupérer dans la rue, enfin je sais pas. Non, ou alors tu mets la photo de ton nouveau mec juste sur le corps de ton ex. C'est hyper drôle, j'aurais dû faire ça. Genre la photo, tu te rappelles quand on était à Venise? Mais on n'y est jamais allé, bah si, regarde la photo. Tu perds la tête, William. Oui. Puis c'est hyper drôle quand tu fais le compte de tes mecs, en fait t'as juste à décoller les petites photos. Mais bien sûr. Tu connais, tu te rappelles de leur tête. Mais c'est une très bonne, mais c'est une bonne stratégie qu'on vient de trouver. Valérie, donc toi ça faisait 5 ans hein. Dan, ça fait combien de temps que t'es plus avec ta chérie? Salut mon pote. Moi ça fait 3 ans. 3 ans, et est-ce qu'en 3 ans t'as renoncé, tu sais que t'as laissé un truc chez elle, tu le récupéreras jamais? Alors j'avais laissé un double de clés de mon scooter, on sait jamais en fait si j'avais perdu les miennes et voilà. Et en fait bah, la fille a duré beaucoup moins longtemps que mon scooter, j'ai toujours le scooter mais j'ai plus la fille. Oh c'est horrible. Mais c'est elle qui a le double. C'est elle qui a le double, ouais. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que t'as déjà oublié chez ton ex? Combien de temps que t'es plus avec ton ex, Clément? Il y a une ex chez qui j'ai laissé ma guitare il y a des années, il y a peut-être 8 ans. Wow. Et entre, enfin, j'avais prévu faire de la guitare à l'époque, comme l'italien, je m'y suis jamais vraiment mis. Et du coup, le pire, c'est que sur Facebook, maintenant, elle est en couple, elle a des enfants. J'ai vu que son nouveau mec, il jouait de ma guitare. Ah, ça non. Bah, entre lui faire des bisous à elle et jouer de ma guitare, j'étais plus dégoûté qu'il soit avec la fille qu'avec la guitare. C'est énorme, Pauline au standard. Moi, j'ai fait une crise à mon ex parce que sa nouvelle copine est montée dans notre van. On avait un van, on faisait des voyages avec. Elle est à ma place. Elle met les pieds sur mon tableau. Eh ben oui, mais ma chérie, il est plus à toi ce van. Non, mais c'est fou. Non, oui, Clément. T'imagines, bon, bah, on part en vacances, mais toi tu cours derrière parce que mon ex ne veut pas que tu Je suis désolé, c'est peut-être un peu gênant. Hein. Désolé, mais elle me fait un peu peur. Ça, c'est pas vraiment. Là, Pauline, c'est pas oublier un truc. C'est juste que, en fait, t'es oublié. C'est comme si la personne ne peut plus accueillir personne dans son appartement, tu vois. Ouais. Faut que la vie se refasse quand même. Pas sortir avec moi. Ah ben j'ai bien compris. Oui, alors. Oui, il faut céder sa place à un moment. Bah dis donc, tu comprends le plat de lasagne. Autrement dit, s'il sert des lasagnes dans ton plat à sa nouvelle chérie, oui Laure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais les clés en fait quand on s'est séparés pendant les 2 mois qui ont suivi la rupture, j'avais les clés. J'ai peur. Je suis allée tous les jours pour chercher ce plat à lasagne. Oh non. Je ne sais pas où il l'avait mis. Mais il a peut-être cassé. Ben moi je pense qu'il a jeté. Et donc tous les jours il a fallu pour que tu sois sûr qu'il il est pas. Je sais pas, je me suis dit il va réapparaître. Mais là t'es quoi? Non mais sans déconner, elle croit c'est des microfilms avec l'assassin de JFK. Genre, écoute, est-ce que tu peux me garder ce plat à lasagne quelques temps? J'ai besoin de me foutre à l'ombre. Mets-les dans ton coffre, je viendrai te le récupérer dans 2 semaines. Je peux pas m'expliquer. J'en ai trop lourd sur la patate, ce plat à lasagne pour causer ma perte. Mais qu'est-ce que genre elle se fait des films sur un plat à lasagne? Je te jure, il y avait l'affaire Pélican. C'est le plat de lasagne Pélican, oui Pauline. Et surtout que c'était fini, donc c'était une effraction en fait qu'elle faisait. Ah bah on est là dedans. C'est le premier truc que j'ai fait quand je suis rentrée dans l'appart. Quoi? Je suis allée fouiller les poubelles. Je suis allée voir dans la poubelle pour voir s'il y avait une vie, tu vois. Non mais là, j'ai pas du tout supporté cette rupture. Je l'ai hyper mal vécu. Voilà, je l'assume. Mais en fait, Juju, s'il est avec toi depuis maintenant 2 ans, c'est pas par amour, c'est par peur. Fouiller des poubelles, des gars, quoi. Oh là là. Ouais. Je suis allée voir s'il y avait des traces d'une autre femme, quoi. Non, mais c'est pas possible, Nico, du bureau. Donc maintenant, Juju va préférer se marier que de la quitter. Mais c'est n'importe quoi. Vérifie tous les jours si le plat à lasagne avait réapparu. Bon, Valérie, je vous embrasse. Dan aussi. L'émission continue avec la folle qui nous accompagne tout le matin. Restez là, le temps d'écouter The Weeknd. Can't feel my face. Si vous avez des nouvelles de plat de lasagne, je lance le hashtag plat de lasagne. Hashtag plat de lasagne est lancé. Pour retrouver le plat de lasagne de l'or, on a besoin de vous. On se mobilise. Virgin Radio. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me. Oh,

T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Si demain tu regrettes, le miroir écorché, que le lac te reflète, promets-moi d'oublier, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Merci à vous d'être avec nous les amis, on est là tous ensemble, encore quelques minutes, on vous lâche jamais sans vous faire un très très beau cadeau. Je sais que vous êtes encore nombreux à nous écouter en voiture, après avoir déposé les enfants, en train encore de chercher une place là, d'autres sont déjà arrivés au travail, courage à vous en tout cas. Et pour partir avec un beau cadeau maintenant, Laura nous a appelé au 3916, ça va Laura? Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Salut Laura, tu viens d'où ma chérie? Je viens de Lyon. C'est pas vrai, dans le Rhône? Oui, dans le Rhône. Je connais bien quartier Saint-Georges. Gerland, mais bien sûr, on connaît bien. La Croix-Rousse. Oui. La Croix-Rousse. Bah oui. On va pas tous les faire. Bah non. On va pas tous les faire. Attention, Laura, tu vas peut-être repartir avec ce beau cadeau. Pour ça, il va falloir que tu gagnes un de nos nouveaux jeux. C'est le pari d'amis. Virgin Panic, Clément, Ginger, Laure, Pauline, Nico du bureau. Le pari d'amis. Le pari d'amis, c'est extrêmement simple. Je vais faire sortir toute l'équipe. Vous pouvez déjà sortir dans le couloir. Je les fais tous sortir, d'accord? Et je vais te poser trois questions de culture générale. Peut-être que tu auras la réponse ou pas. D'ailleurs, peu importe, ça ne compte pas du tout. Puisque l'important, je vais te demander de trouver quelqu'un qui a ou la bonne réponse ou la mauvaise. Et tu devras parier sur quelqu'un de l'équipe. Et si tu as, sur les trois questions, au moins fait un bon pari, c'est gagné pour toi, d'accord? Ouais, ok. Le jeu, il est très simple. Tu vas vite le savoir. Par exemple, je vais te demander comment s'appelle la place centrale d'une cité romaine. Et je voudrais que tu me trouves quelqu'un qui ait la bonne réponse. Parmi l'équipe, Ginger, Nico, Laure, Clément ou Pauline. Pauline. Bonne réponse. Et donc, la Pompée. Très bien. Ensuite, je vais te poser une autre question. Je vais te demander qui est le chien entre Bull et Bill. Et je vais te demander de me trouver quelqu'un qui a la mauvaise réponse. Ginger. Ginger, c'est noté. Et enfin, ma dernière question, d'où viennent les petits beurs? D'où viennent les petits beurs, d'accord? Et je vais te demander de trouver quelqu'un qui a la mauvaise réponse. Clément? Ça m'étonnerait, parce que les petits beurs, ils viennent de Nantes. J'écris, hein. Ils viennent de Nantes et Clément, il est de Nantes. Donc ça m'étonnerait qu'il se Nico, trompe. Allez, on met Nico. Le chien, Boule et Bill. Donc le chien, évidemment, on le sait, il y a un piège, c'est Bill. On va en chercher une mauvaise réponse, t'as parié sur Ginger. Et bonne réponse pour comment s'appelle la place centrale d'une cité romaine, c'est le Forum. Et tu penses que Popo peut avoir la bonne réponse? On fait rentrer l'équipe, c'est parti. Allez, je crois on y va. Attention, attention, ma chérie. Maintenant, c'est parti. Ton destin est entre leurs mains. Je rappelle que si t'as fait juste un bon pari sur l'un d'entre eux, le cadeau sera pour toi. On y va. Attention. Première question. Elle est pour toi, Nico du bureau. Ah. Peut-être que j'ai demandé de trouver quelqu'un qui avait la bonne ou la mauvaise réponse. Peu importe. Toi, tu dois simplement répondre. D'où viennent les petits beurs, selon toi, Nico du bureau? La ville. La ville d'où viennent les petits beurres, les biscuits, les petits beurres. Nantes. Yeah. C'est une bonne réponse. Ouais. Malheureusement, j'avais demandé à Laura de parier sur quelqu'un qui aurait la mauvaise réponse. Ah, L'équipe n'entendait pas. Chaunette, elle avait choisi Clément. Mais je lui ai dit, Clément, il est de Nantes, enfin, de tout près de Nantes. Oui. Et je lui ai dit, on a changé. Ouais. Bon, eh oui, j'ai travaillé à Nantes. Voilà. Merci à toi. Deuxième question, elle est pour Ginger. Oui. Ginger, qui est le chien entre Boule et Bill, la célèbre BD Boule et Bill? Qui est le chien, Boule ou Bill? Ben, c'est Bill. Le chien? Ben oui. Il y a un piège, c'est une bonne réponse. Ouais. Boule est l'enfant, oui. Bill est le chien. Malheureusement, je cherchais quelqu'un qui a la mauvaise réponse. Oh là là, je suis désolée. Je suis désolée. Et maintenant, je me tourne vers Pauline. C'est la dernière personne sur laquelle Laura a parié. Pauline, okay. Ma question, la question que j'ai posée à Laura, tous les auditeurs qui nous écoutent ont déjà la bonne réponse, je l'ai donnée. Mm-hmm. Voilà, c'est Pauline là. Comment s'appelle la place centrale d'une cité romaine? Oh, je sais. Ah ben, ne dis pas. Oui, mais t'étais née. Cité romaine. La cité romaine, les célèbres cités romaines. La place centrale. La place centrale. Allez, faut... s'appelle, Alors, bah, je vais te dire un truc. Si on m'avait posé la même question, ne soyez pas vexé l'équipe. Ouais. Je pense que j'aurais pris aussi Poli. Sincèrement, je pense que j'aurais pris Poli. La place centrale. Alors moi, je te dis, j'aurais oublié. Je l'ai dit, c'est facile. Ouais. Mais on l'a appris à l'école. Oui, mais moi, je m'en rappelle. Et puis j'avais des bonnes notes. Donc je dirais le forum. C'est une bonne réponse. Et figure-toi, on cherchait quelqu'un qui a une bonne réponse. T'as bien fait de réponse. Alors là, bravo Laura et bravo ma popo, t'as une espoir. Merci Pauline, en tout cas. Ah bah de rien. Eh ben voilà. Super. Eh ben très bien, le forum, Pauline, voilà, les villes de Rome, Jules César, te permettent de repartir donc avec ce très beau cadeau, une semaine en pierre et vacances pour 4 personnes. C'est pour toi, ma petite Laura, d'accord? Merci beaucoup Camille, merci beaucoup toute l'équipe, vous êtes géniaux. Eh ben t'es un amour, merci beaucoup à toi ma Laura. On va se retrouver demain sur Virgin Radio avec une nouvelle fois 3 rendez-vous avec le loyer. 6h20, 7h20, 8h20 et c'est déjà pas mal. Ouais. Loyer au 7-12-13 pour vous inscrire. Tous vos SMS vous permettent aussi de vous inscrire pour les 50 ans de loyer. Retour de la question de ouf demain, 01 84 07 08 09. Et on va ouvrir un grand débat puisqu'on va proposer un tu préfères. Je vous pose la question, est-ce que tu préfères avoir 2 heures de retard à chaque fois que tu prends un transport en commun, n'importe lequel, ou alors à chaque fois que tu t'endors, quand tu te réveilles, t'es à Toulouse. J'ai une très belle vie, mais quand tu n'y habites pas, c'est galère quand t'es en vacances et que t'es obligé de revenir et reprendre l'avion. C'est quand même vraiment un peu galère. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à répondre. Et j'aime bien lancer des débats comme ça. Ce sera toutes vos réponses, bien sûr, demain. Encore plein de cadeaux pour vous. Je vous souhaite de passer vraiment une belle journée. Merci en tout cas de nous accompagner si nombreux chaque matin, 6h, 9h. Le pop rock électro qui continue toute la journée sur Virgin avec Pierre-Alex qui débarque dans 2 secondes. Booms, Don't You Know. Voilà ce que vous allez entendre. Le temps de faire un dernier point sur l'actu avec tous nos journalistes. Bon réveil. Radio. Your radio. Pop rock. Virgin Radio en Ile-de-France avec Guillaume Lariche. Bonjour à tous, bonne matinée avec nous sur Virgin Radio Paris et le soleil aura bien du mal à percer la croûte de nuages sur la région parisienne toute la journée. Bon, peut-être une fenêtre ensoleillée dans l'après-midi, qui sait. 19 degrés ce matin à Melun et Vaujours, 20 pour Paris et Créteil, autour des 25 dans l'après-midi. À côté trafic, un accident de camion s'est produit sur l'A86 extérieure entre Nogent et Le Perreux. Et sinon, sur le périphérique, c'est surtout compliqué de Porte de Bagnolet jusqu'à Porte de la Chapelle avec 37 minutes donc sur cette zone. À Londres, les métros circulent jour et nuit. Paris et la région Île-de-France rêvent de faire pareil, ce qui n'est pas du goût du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. Outre les 30 millions d'euros par heure supplémentaire de fonctionnement du réseau, le STIF se demande aussi quand pourront se... Mestra, il a fallu évacuer près d'1 millier d'élèves dans la précipitation, déclenchement des procédures de mise en alerte avec l'arrivée des gendarmes, des équipes cynophiles et la mobilisation d'un hélicoptère. Le doute a été levé, la menace écartée, les élèves ont pu reprendre les cours. Un nouveau règlement de compte hier soir à Marseille. 2 hommes ont été abattus vers 23h dans un bar du 2e arrondissement de la cité phocéenne. Le procureur a parlé de probables représailles dans le milieu du banditisme marseillais. Big Malion s'invite dans la campagne. Le parquet de Paris a requis le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy pour le financement illégal de sa campagne de 2012. Les juges d'instruction ont 1 mois pour suivre ou non les réquisitions. 10 ans après l'apparition du 7e et dernier volet de la saga Harry Potter, J.K. Rowling publie aujourd'hui 3 recueils de nouvelles en version électronique, déjà parues sur le site officiel pottermore.com. Le premier dévoile notamment quelques secrets de l'école. l'école Poudlard. Et si vous souhaitez, si vous êtes fan de la saga, eh bien n'hésitez pas aussi à visiter le Warner Bros Studio Tour à Londres. Vous y découvrirez tous les décors des films du jeune sorcier. Daniel Craig va-t-il renfiler le costume de James Bond? Pas impossible. Les studios Sony lui auraient offert quelques 150 millions de dollars pour tourner deux nouveaux films. Le site américain Radar Online n'est pas sûr que Daniel Craig soit tout à fait d'accord. Gros succès des parcs d'attractions cet été en France. Le journal Le Parisien publie les chiffres de fréquentation des différents parcs. Excellent résultat pour le Puy du Fou qui se classe à la deuxième place des parcs derrière Disneyland Paris. Gros succès aussi pour le parc Astérix à Plailly dans l'Oise et pour le Futuroscope à Poitiers. Enfin, l'actu sport en tennis, les quarts de finale de l'US Open aujourd'hui à New York. Le duel franco-français entre Lucas Pouille et Gaël Monfils à partir de 19h. Joe Wilfried Tsonga sera lui face à Novak Djokovic. Et puis du foot avec l'équipe de France lancée dans les éliminatoires du Mondial 2018. Les Bleus jouent ce soir en Biélorussie. Le match démarre à 20h45, ce sera sur TF1. Voilà pour l'actu, bon réveil.

Je sais, je m'ennuie de vous. Would you saw the pain. I might just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just to count all of us. Saw the journey to come back to you. Electro, c'est forcément Virgin Radio. Felix Jim. We're stronger, you make me lighter. Got to be Nash. Shall never be heard. Listen to Josh from 21 Pilots. Wanna stay in the sun where I've hurt sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know, yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize and wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But it don't seem this bullet's coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's how it's been harder to write. When you know that tonight, that when people back home will try talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling, would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm putting my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, I'm on my ride. Too much. This is what you came for. Lightning, she moves, and everybody's watching at you. entendre partout. Tu me dis de regarder la vie en couleur. Quand de moi, sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, non, non, je n'ai pas de mal. J'ai douté tellement de fois. Non, non, non, sans toi. Oh yeah. On dirait un ange, on dirait. On dirait bien que c'est toi. On le monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à attendre la vie. Je peux la passer à t'écouter, la douceur et ton genre. Ce n'est pas toujours facile pour moi. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce rêve, que t'as toujours été là. Tout autour de toi, la beauté bien cachée derrière les visages. On a tous un ange, on dirait bien que c'est. Que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours. Gym. My favorite music station. In the flesh, I cut my teeth in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. Old teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's out on your timepiece. Jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. Open your love affair. And we'll never be royals. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Crack the code. We count in to the party, and everyone who knows that we're fine with this. We didn't come, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like Christopher's jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We are. We'll never be royals. It's a run in our blood. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Live that fantasy. Oh. We're better than we ever dreamed. And I'm in love with being queen. Affair. And we'll never be royals. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Be. Virgin Radio, bon début de matinée, vous êtes arrivé au boulot, ça y est, déjà surchargé de travail. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez télécharger notre appli smartphone pour compagnie de toutes vos stars pop rock électro préférées. Et ça tombe très bien puisqu'on va redémarrer ensemble. 40 minutes de pop rock électronal se prépare. Ou encore Richard Olinsky à écouter uniquement sur Virgin Radio. Avec aussi le tout nouveau 3 Mousquetaires. Très très très bon nouveau 3 Mousquetaires. Avant cela, préparez-vous, on va bientôt transformer votre vie le 7 septembre sur Virgin Radio. À 8h20, Camille Combal va changer votre vie en vous offrant le plus beau des cadeaux. Une seule question. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Une seule réponse. C'est Virgin Radio. Et Camille Combal vous paiera 50 ans. Oh là là. Ah, c'est pas vrai. C'est pas possible. Oui. Pas loyer à payer pendant... Impatient de vous offrir ça, les copains. Le 16 septembre, pour être le grand gagnant des 53, code loyer. Les amis, ce SMS va peut-être changer votre vie. L'entrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non, mais c'est une expression mathématique. Rentrez nos stress chez But. En ce moment, le lave-linge Hublot 9 kg Beko est à moins 5,99€ au lieu de 599. But, c'est nous. Ne reviens pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée pendant les jours à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quinze jours, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le Quintet Plus du lendemain. Voir Comisque, appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le mois, Carrefour! Aujourd'hui, le vent versante. Jusqu'à 70% d'économies sur la carte Carrefour sur les gourdes Andros, c'est encore... Pourcent, génial! Alors embarquement immédiat! Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'en économies sur la carte Carrefour sur de nombreux produits de marque. Valable sur les gourdes de pommes nature Andros par 18. Produits concernés, modatez les aliments gras, salés, sucrés. Carrefour. Cultura. À la rentrée, les portes qui... Ça peut être sublime, oui. Mais quand on est parent, ben, il faut sculpter une liste à tiroir de fournitures scolaires. Donc, souvent. Parce que la punition, c'est pas les gosses qui l'ont, c'est nous, les parents. Fabrice, personne n'est puni chez Cultura, le spécialiste de la rentrée scolaire. On s'occupe de votre liste et on vous aide. Cultura, l'esprit jubile. En panne au milieu de nul. Ton appli Direct Assurance, voyons. Comme ça, on pourra se faire géolocaliser par la dépanneuse. Bonjour, je suis votre appli. Je vous envoie une dépanneuse dans l'heure. Ne bougez pas. Et ça ne va rien vous coûter de plus. Ah, quelle super journée. En souscrivant chez Direct Assurance, vous pouvez économiser en moyenne 270 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors rendez-vous sur Direct Assurance. On gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Tout le monde prend des photos avec son smartphone. Eux, enfants devraient souvenir. Avec Printic, imprimez vos photos depuis votre téléphone. Format vintage, carré, magnifique. Vite, rendez-vous sur l'appli Printic ou sur printic.fr. Actuellement, 25% de tes photos en 3 clics. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 5 octobre en métropole avec portabilité du numéro et sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP de juillet 2016. Dis donc, mon cœur, que t'auras fini juste... Mes chéris, je prenais justement rendez-vous sur le site d'Euromaster. Ils font des super offres. Toi, mon cœur. Et oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfre. Jusqu'à 100 euros de remise immédiate pour l'achat de pneus Dunlop. Euromaster. Pneus et... Bonne main. Jusqu'au 30 octobre, devis, achat et conditions sur Euromaster.fr. Le footballeur Antoine Griezmann. Ah, salut Antoine. Alors cette reprise, ça va? Pas trop fatigué? Tu rigoles, je suis au taquet. Ah bon? Pourtant, entre l'Espagne et l'Euro... Mais tu sais ce que c'est, une rentrée des clubs, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah, c'est beau la jeunesse. La rentrée des clubs chez Sport jusqu'au 25 septembre, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000. Ça match. Condition sur sport2000.fr. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop rock. Electro. En image. Salut, c'est Imagine Dragons. Salut, c'est Julien Doré. Salut, c'est David Guetta. Hey guys, this is Bruno Mars. Retrouvez-nous, regardez les clips. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 150 de votre télé SFR. Sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Regardez-nous sur Virgin Radio TV. 100% music. Virgin Radio TV. Rock. Electro. Maintenant. No. 40 minutes. 40 minutes. Pop.